que je pensais. Je voulais toucher la lune, traverser l'univers, gagner Roland Garros comme Roger Federer, inventer un vaccin pour sauver l'humanité ou devenir Jésus-Christ et te ressusciter. Tu vois, les années passent et j'ai pas commencé. Tu vois, les années passent et je me mets à cauchemarder. Non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. bonsoir à tous et à toutes. Vendredi soir à partir de 19h, vous le savez, c'est l'émission Mavrika, et ce depuis 15 ans bientôt. Hein, ça sera le 4 juin, je me souviens plus exactement quel jour on avait commencé. En tout cas, ça s'approche de plus en plus. Aujourd'hui, on en est à la 631e émission, et comme vous le savez, dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des invités, et c'est le cas ce soir. Alors depuis quelques temps, on a reçu, le 21 février, on a reçu le groupe Narcos, hein, qui était venu pour une deuxième fois. Il était venu une première fois avec un chanteur, il est revenu une deuxième fois avec une chanteuse, et on a pu découvrir leur travail. Le 28, nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour la première fois, hein, parce que c'est un habitué pourtant de l'émission Mavrika, et c'est aussi un habitué de Radio Arc-en-Ciel puisqu'il avait fait un peu de radio ici. C'était notre ami Max Livio que nous avions déjà interviewé par téléphone, mais cette fois-ci il s'est déplacé, il est venu passer un bon moment avec nous. En tout cas, on a fait une super bonne émission et on était super content de le recevoir. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un petit morceau. La semaine dernière, nous avons reçu ici un des plus grands groupes de la région orléanaise, on va le dire comme ça, un groupe de professionnels qui sont partis en tournée pour 18 mois, 80 dates dans l'Europe et puis même les États-Unis et le Canada. Voilà, ils sont habitués à y aller assez régulièrement. Donc c'était le groupe La Jarrie que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a passé encore un bon moment avec eux et jusqu'à ce jour, je pense que c'est le groupe qui est venu ici le plus de fois. Donc il y en a eu d'autres à certaines époques, mais La Jarrie effectivement est un groupe qui vient régulièrement nous donner de leurs nouvelles. Le 21 mars, nous recevrons ici pour la première fois le groupe Siragis. Le 28 mars, ça sera le tour de Hazen Blues, un groupe qui va participer au prochain Mavrika Live le 19 avril. Le 4 avril, on recevra ici une découverte, donc le groupe Rascas dans l'émission Mavrika. Le 19 avril, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, justement, c'est un samedi et ça sera le Mavrika Live. Et le 13 juin, nous avons prévu de recevoir aussi Max de Giovanni, qui est déjà venu une première fois. C'est un artiste qui vient de la région de Bayonne, Biarritz, par là, et il vient régulièrement sur Orléans et Paris. Et justement, à cette occasion, il viendra nous faire une petite visite. Et je me souviens que la dernière fois qu'il était venu ici, il nous avait joué des trucs en live. C'est vraiment bien. Donc, le 13 juin, Max de Gioni dans l'émission Mavrika. Depuis le début de l'émission, on a déjà écouté pas mal de musique. On a écouté The Shadows Goes Out. C'est la première fois qu'on diffuse un morceau. Alors, vous avez vu, c'est un peu spécial. Hein, donc, c'est un peu une image. Il faut aller le voir sur scène, puisqu'il y a une projection de vidéo pendant qu'ils font leur concert. Il y a un batteur et un bassiste. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle John Doe's. Voilà. Et ce groupe-là était en concert samedi au Dropkick. Donc j'espère que vous avez été les voir. Il était en avant-première du groupe Glazone, qu'on a écouté aussi avec un morceau qui s'appelle Bad State of Mind. On a écouté aussi La Jarrie avec Où sont passés mes rêves. Et à l'instant, on a écouté M. Angel avec Illusion d'idéal. Juste après, on s'écoute un petit Max Livio et on va aller voir notre invité qui est déjà là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui s'impatiente. C'est notre ami Luce Tolassi ce soir dans l'émission Mavrika. Les mirages de l'homme, notre ami Max Livio. J'ai puisé dans les fonds d'un océan de l'âme le reflet de l'écho qui résonne dans mon âme. Désert de sable, mais de poussière devient poussière en soi. Mais connais ça, j'aimerais faire entendre mes prières. Je voudrais m'éloigner encore, tellement noyé de remords. C'est la petite musique qui nous dit qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel justement pour accueillir nos invités. Alors ils sont au nombre de trois ce soir et effectivement on prend l'antenne, le téléphone sonne bien entendu. Enfin bon, ils rappelleront tout à l'heure, hein, je pense que c'est pas une urgence, c'est pas bien grave. Donc ce soir nous avons ici une invitée, c'est la première fois qu'elle vient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais je pense qu'on va être embêté avec ce téléphone. J'espère que ça va pas durer longtemps. Voilà. À la limite, il faudrait qu'il nous rappelle tout à l'heure qu'on diffuse de la musique. On a diffusé plein de musique et c'est au moment où on prend l'antenne qu'on peut que ça arrive. Enfin, c'est comme ça, on peut pas tout prévoir. Et dans l'émission Mavrica, au moins, c'est la preuve qu'on est en direct. On n'a rien coupé, on est vraiment en direct. Ouais, et nous avons Luce Tolassi, notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir que tu viennes ici pour nous présenter ton travail. Donc tu es venu, on a entendu d'autres voix, donc il y a Luce qui est ici. Après il y a une voix, alors pour ceux qui écoutent l'émission Mavrica depuis longtemps, ils l'ont reconnu parce que c'est une voix vraiment particulière. C'est la voix de Manu. Oui, exactement. Manu qu'on avait reçu avec le groupe Mansour. Il y a longtemps, exactement. Il y a longtemps, ouais. C'est vrai. Exactement, mais Exactement. Voilà. Ça fait longtemps et puis c'est un plaisir de revenir. On est bien content de te recevoir à nouveau. Ça fait un petit moment, on s'était un peu perdu de vue. Un peu perdu de vue, mais Et là tu es venu avec Luce. C'est toi qui me l'a présenté. Exactement. Voilà. On est une équipe par le biais de manager qui est Anton qui dit rien, mais il est à côté de moi. D'accord. Il veut pas parler. Bonsoir. Si il est là. Voilà. Voilà. Donc voilà. On est comme à la maison ici, on discute, on prend la parole. Moi, je monte les micros, vous parlez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc Manu, oui. Anton. Ah, d'accord, j'ai mal entendu. c'est l'âge au bout d'un moment. Et Luce, qui est l'artiste que nous allons découvrir exact. Tout au long de cette soirée. Alors moi, je le découvre en même temps que les auditeurs parce que j'ai pas encore écouté les morceaux. Oui, parce que vous me les avez amenés ce soir, donc on va les découvrir ensemble. Oui. Alors déjà, on va essayer de découvrir qui est cette charmante personne qui est là ce soir. Donc Luce, tu es toute jeune, tu as quel âge? J'ai 23 ans. Peut-être que ça se demande pas justement, mais bon. Quand on a 23 ans, il n'y a pas de souci. C'est plus tard qu'on veut pas dire son âge. Donc 23 ans, donc tu chantes depuis combien de temps? Je chante en soi depuis que je suis petite, mais j'enregistre en studio depuis que j'ai 15 ans. D'accord, donc tu es accompagnée déjà par d'autres personnes qui t'enregistrent des morceaux ou... Oui, pour le coup, en soi je suis accompagnée d'astronautes sur Orléans et aussi de Cisco sur Paris. D'accord. Ah ouais. Et voilà. D'accord. Et toi, ton style de musique, alors d'après ce que j'ai entendu dire, ça serait du reggae, de la soul. C'est ça, reggae, soul, jazz. Voilà. Surtout, ouais. Très bien. Donc, j'ai vu plusieurs trucs. Hein. J'ai vu qu'il y avait une affiche où tu apparaissais, parce que j'ai cherché un petit peu, mais il n'y a pas grand chose sur toi, sur Internet pour l'instant. Non. Mais j'ai vu que tu avais fait une affiche aussi avec Max Livio, qu'on a écouté tout à l'heure. Oui. Avec Sadia aussi, Yacine et Sadou, deux personnes qui sont déjà venues à plusieurs reprises et qu'on apprécie énormément. Depuis longtemps. Tu as dû côtoyer encore d'autres personnes. Oui, bien sûr. Donc après, on en parlera un petit peu de tous les gens que tu as rencontrés, les gens que tu apprécies, les gens qui t'ont inspiré, etc. On va déjà parler peut-être de l'inspiration. Quels sont les artistes qui t'ont donné envie de faire de la musique? Ma toute première inspiration pour ce qui est du jazz et de la soul, ça a été Amy Winehouse. Mmh. Pour ce qui est du reggae, c'est Dizzary. Et je dirais que Je dirais que c'est mes deux principales inspirations pour le coup. Et ça doit être tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Après, est-ce que tu écoutes que ce genre de musique ou alors tu aimes bien écouter un petit peu tous les styles? J'écoute vraiment de tout sans aucune exception. Ouais, je pense que c'est le secret pour s'enrichir, il faut écouter de tout. Voilà, oui, après, oui, on dit voilà, on aime, on n'aime pas, il y a des choses qu'on prend, des choses qu'on prend pas. Oui, mais il faut écouter. Hein. Il y a d'autres artistes. Et puis des fois, il y en a certains, on n'adhère pas tout de suite à la première écoute. Et après, on peut aller voir sur scène et puis se dire franchement ouais c'était pas mal et puis ainsi de suite quoi. Exactement. Parce que ça se cultive hein, finalement la musique. Oui, c'est ça. Très bien. Donc en tout cas tu nous as déjà parlé de pas mal de choses. Tu chantes depuis très longtemps, tu enregistres depuis l'âge de tes 15 ans. Donc, et tu commences déjà à voir donc si je calcule bien ça fait 8 ans dans le cinéma déjà. Hein. Oui. Donc tu as déjà beaucoup d'expérience. Tu as fait plusieurs concerts. Moi j'ai vu quelques affiches. Tu peux nous en parler un petit peu des concerts que tu as fait, ceux qui t'ont marqué, etc. Je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'était pour les 25 ans de Guiding Star à l'Astrolab. Parce que l'ambiance était vraiment sympa et puis bah surtout c'était full reggae quoi donc c'était vraiment cool. Ensuite, la récente que j'ai faite au bar Le Charbon pour la Saint-Valentin. Elle était vraiment chouette aussi parce que les gens étaient plutôt enjoués et puis ils étaient très réceptifs donc c'était vraiment sympa. C'est le genre de scène que j'apprécie quand le public est réceptif. Oui, parce que c'est vrai que des fois il peut y avoir des grandes salles mais il y a pas tellement d'ambiance et inversement des fois ça peut être dans des petites salles mais les gens ils sont vraiment à fond, ils sont vraiment avec c'est vous. Exactement. Donc, je pense que c'est dans le partage, voilà, vous donnez une émotion et puis les auditeurs parce que on est à la radio mais le public, voilà, le public est là et puis qu'on voit qui répond, qui reprend avec vous et tout ça, ça va être beaucoup plus agréable en tout cas. Voilà, très bien. On a parlé des inspirations. Alors la dernière fois, on a reçu notre ami Max Livio, qui lui a sorti un album qui est complètement différent de ce qu'il fait habituellement. D'ailleurs, on va vous raconter un petit peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. Vous pouvez réécouter l'émission sur le podcast. Hein. Vous allez sur le fil du Mavrika Albino, donc c'est sur Facebook, et vous retrouvez le podcast de Max Livio. Et justement, il n'avait pas prévu de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on devait faire un phoneur, donc par téléphone, on devait l'interviewer. Ça devait durer une demi-heure parce qu'au téléphone, effectivement, ça on peut pas rester 3 ou 4 heures au téléphone. Donc et puis il nous avait fait la surprise, il est venu, il s'est déplacé, mais dit finalement j'ai le temps et puis j'ai toute la soirée, je peux la passer avec toi. Donc moi je l'ai pas prévu de le recevoir, j'avais pas prévu de plein de choses comme ça. Donc on a écouté son dernier EP. D'ailleurs il m'a offert le vinyle, j'en suis très fier, je l'ai écouté sur ma platine, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Et on a découvert ça et on a oublié de parler d'une chose, c'est que c'est quand même un des plus grands artistes de la région de reggae, voilà, alors qu'on a diffusé un seul morceau de reggae de Max Livio. Donc il faudra qu'il revienne une prochaine fois. Et à ce propos, on avait parlé aussi, on s'est dit tiens, des groupes de reggae, j'en ai pas reçu beaucoup dans l'émission, pourtant c'est un style de musique que j'aimerais bien recevoir un peu plus. Et il m'a dit pourtant il y en a pas un. Je dis bah écoute, il faut que tu me fasses connaître un petit peu les artistes. Et donc ce soir, je suis content de recevoir justement une artiste qui fait du reggae, parce que c'est une musique que j'aime depuis toujours et c'est vrai qu'elle n'est pas trop représentée dans mon émission, et ce qui est bien dommage parce que on accepte vraiment toutes les bonnes musiques. Il y a les bonnes et les mauvaises, nous on garde que les bonnes, donc quelle que soit la musique, si elle est bien faite, et ben on est là pour la partager. Voilà, donc déjà on a une première présentation. On écoute un premier morceau. Oui, allons-y. Alors le premier morceau qu'on a calé s'appelle Subtil. C'est ça. On l'écoute et puis on en parle juste après. Ouais, c'est comme ça, c'est parti. J'ai pardonné de grandes choses. J'ai refoulé tous tes coups bas. Ne parle pas de tes grandes doses. Je sais ce que tu prends dans le noir. Et non, je ne te demande pas de t'expliquer. En vrai, déjà tout est foiré. Même si j'avais l'intention de me poser. En vrai, je pense que c'est foiré. T'es toxique à plein temps. Je pense pensais m'amuser, finalement t'es qu'un castor. Oui, ce que je veux, je l'aurai, tu l'as eu, mais t'as fui. Toi t'aimes pas les ennuis, je savais. Toi t'es quelqu'un de viril, bah ouais. Prends quelqu'un d'autre pour cible. J'ai confondu les étapes, c'est vrai. J'ai préféré écourter ce moment où t'as tout fait. Pour capter mon attention, mais t'as baissé la tension. Mais j'ai compris tous tes vices, ouais. Pour jouer tout à un prix, ouais. Je retiendrai ce qu'on m'a appris. Take it, perfume, perfume. Lay down, let me comfort it, comfort. Take it, perfume, perfume. Lay down, let me comfort it, comfort. Take me somewhere. I don't wanna know just anywhere. Take me somewhere. I don't gotta know where anyway. Prise de cours, j'ai pas eu le temps de faire de mise à jour. Maquillé la veille, je fais 300 tours. Cerveau mort, je regarde aux alentours. La flamme est allumée, prends ton temps. Et pour me regarder, prends ton temps. Take it, puff on it. J'essaie de rester soft on it. J'ai pas foué tous nos ennuis. J'ai caché ça juste en dessous du lit. Ne me parle pas de tous tes alibis. Je sais combien tu en as envie, mais j'ai senti l'effet que l'on se fait quand on se désire. Pas besoin d'en discuter. Take it, perfume, lay down, let me comfort it, comfort. Take it, perfume, perfume, lay down, let me comfort it, comfort. Take me somewhere. Just anywhere. Take me somewhere. I don't gotta know where anyway. Certains perdent leur vie à la gagne, sans aucune lueur dans leur regard. Des moutons qui se suivent à la trace et qui répètent les mêmes scénars. Un caronne, une gratte, des textes. Et j'ai un trou de mémoire. On recommence. Ça arrive, ça arrive. C'est la vie de deux guerriers de la paix, à la croisée des chemins respectifs, qui s'activent et s'évertuent à capter l'attention de leur père encore sceptique. Un caronne, une gratte, des textes, et comme un havre de paix, une famille, des préceptes ancestraux dans la tête, et se comportant sur scène comme dans la vie. Savent pas où ça va les mener, mais avance en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avance en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener,

Voilà, on a écouté une petite série musicale bien agréable avec plein de bons souvenirs, en tout cas pour ma part. Et je pense que Manu, lui aussi, il y a pas mal de bonnes choses. Hein. Donc là, on a écouté Sadia avec Stéréotype. En plus, c'est un morceau qui a été enregistré dans l'émission, c'est-à-dire que c'était un live qui a été enregistré. Oui. Avec le petit plantage, hein, voilà, il a oublié les paroles au début, mais on a écouté quand même ce morceau-là jusqu'à la fin. En tout cas, c'était bien agréable. Donc comme quoi, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, les artistes sont vraiment présents, en chair et en os. Ouais. Et quand il y a un petit pain, il y a un petit pain. Mais c'est pas bien grave, parce qu'ils arrangent toujours le truc, et puis finalement, ça passe super bien. Ouais, et le jour où ils le font bien, ça nous manque un petit peu, parce qu'on aime bien aussi les petits détails comme ça qui nous font sourire. Et on a écouté, à l'instant, c'était Mansoul, donc le groupe dont tu faisais partie. Oui, il y a quelques années, oui. Ouais, le groupe aujourd'hui n'existe plus. Non, mais sache que... Ah, peut-être qu'il peut revivre. Tu sais, quand on a la musique dans le sang, des fois, on s'écarte un peu, parce qu'on a des choses à faire, priorité. Oui. Mais quand on a ça dans le sang, c'est tout le temps. Ouais. Donc, voilà, il y a quelques surprises qui viendront bientôt. Voilà, et très j'espère bien. Que j'aurai l'honneur de venir te présenter ça. Bien sûr, tu es toujours le bienvenu, il n'y a aucun souci. Et puis, on vient d'écouter donc un titre qui s'appelle Femme. Et tu te souviens pour quelle occasion ça avait été enregistré, ce morceau-là? Ça fait longtemps, ça. C'est... Ah ouais, ça fait longtemps. Ça avait été enregistré pour le Mavrika TV. Exactement. On avait fait quelques trucs avec le studio Émergence. Ça a été enregistré au studio Émergence. Il y avait deux morceaux qui avaient été enregistrés dans le studio pour avoir une bonne musique avec le groupe Mansoul. Exactement. Et quelques temps avant ou après, je me souviens plus, on avait aussi enregistré la chanson Mavrika, tu te souviens, avec plein d'artistes, une vingtaine d'artistes différents. Je me rappelle, c'était pour quelle occasion déjà pour la chanson Mavrika. Voilà, Mavrika, c'était aussi. D'ailleurs, tu passes de temps en temps? Ouais, de temps en temps, je le passe et je le recherchais parce que il est bien sympa. Et puis, j'ai passé la version longue parce que sur la version longue, tu fais des vocalises sur la fin et tu nous emmènes très loin. Et puis, c'était un bon moment. Hein. Ouais, c'était un bon moment. C'était vraiment cool. Il y avait du monde et puis on avait passé un bon moment. Et puis, il y a encore des photos qui traînent. Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une photo souvenir. Ouais. Justement, parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Anne France qui est la compagne de Stéphane du studio Émergence. Donc, on lui souhaite un. Si j'aime à l'écoute. On lui souhaite un bon anniversaire. Ouais, carrément. Bon anniversaire à toi. Voilà. Et puis, on a écouté aussi, on a pour commencer cette série musicale, notre invité, Luce Tolassie, avec Subtil. Oui. Donc, on va peut-être parler aussi un petit peu de ce morceau-là. Alors, Subtil, tu veux nous en parler un petit peu, Luce? Oui, ma foi, que dire sur ce son Moi, j'aime bien la basse là-dessus, j'aime bien la profondeur. Franchement, là, j'ai écouté le son, franchement, c'est super agréable. Et puis, t'as très belle voix dessus aussi, c'est magnifique en tout cas. Merci, ça fait plaisir. Donc, Subtil. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce morceau-là? Déjà, Subtil fait partie des à la base des rares sons que j'ai presque entièrement en français. D'accord. Parce que j'écris beaucoup en anglais et en français, mais c'est rare que je fasse deux couplets entiers en français. Après, je l'ai produit avec Astronaute, celui-ci. D'accord. En 2024, il me semble. L'année dernière. Je l'aime beaucoup, ce son-là. J'apprécie beaucoup. Et puis voilà, pour le coup, on l'a créé, je pense, en peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Alors, ce morceau-là, on va déjà... comment tu... C'est toi qui l'as composé? Oui. Donc, c'est toi qui écris les paroles? C'est toi qui fais la musique aussi? Non, c'est Astronaute qui fait la prod derrière. Mmh. Et moi, du coup, je m'occupe de faire la mélodie, les harmonies, les paroles, etc. D'accord. Voilà, c'est pour savoir comment on travaille, parce que moi, ça m'intéresse toujours. Et je suis sûr que ça intéresse aussi les auditeurs. Donc, toi, tu écris des textes, c'est ça. Tu es auteur. Oui, c'est ça. Et après, tu composes avec des musiciens qui font que de la musique. C'est ça, voilà, exactement. Très bien. Donc, Astronaute, ce groupe-là. Alors, astronaute, oui, du coup, c'est un beatmaker. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Ah bah, c'est bien de me le dire, parce que c'est vrai que... j'ai déjà vu son nom passer comme ça, mais je connais pas. Mais peut-être un jour, il viendra dans l'émission Mavrika aussi. Hein. Voilà, on est ouvert. Hein. On aime bien découvrir la bonne musique. Et on a la chance, sur Orléans, d'avoir de très bons artistes. Et j'ai pas fini de découvrir, hein, franchement. Et c'est vrai, hein. Il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît pas, qui sont camouflés dans le effectivement, on a pas mal. On n'a pas fini de les découvrir. Ouais, c'est pour ça qu'il y a l'émission Mavrika. Oui, une seule émission par semaine, ça fait un peu juste. Mais bon, petit à petit, on a reçu du monde ici. C'est très bien. Voilà, donc, et le morceau s'est composé, et après, c'était enregistré où? À Orléans. A été enregistré, en fait, chez Astronaute. D'accord, c'est chez lui, il a son petit studio, et donc, en général, on fait tout là-bas, directement sur place. Donc, l'instrumental a été créé sur le moment, et moi, j'ai fait mes harmonies aussi sur le moment. Tout a été fait à l'instant T. Bon, pourtant, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est un morceau qui a été travaillé, et tu me dis que ça... Non, j'ai même pas retouché, qui plus est. On l'a vraiment enregistré en une seule fois et après on et l'a le pas, son on est clair et tout ça, bravo en tout cas. Il faudra le féliciter aussi Astronaute, hein, parce que bon travail d'équipe, des belles paroles et tout ça. Donc c'est un des seuls morceaux que tu interprètes en français, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors non, il fait partie des rares morceaux, on va dire, que j'interprète en français. Mais il y en a français. Quand même quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns, oui. Je les ai. Alors en français, anglais, pas d'autres langues, non? Non, pas d'autres langues. Soit français, soit anglais, soit les deux. D'accord, très bien. Bah c'est déjà bien, deux langues, parce que souvent, soit les gens ils chantent en français ou soit en anglais, mais les deux, c'est pas toujours évident. Et puis après, il faut savoir aussi maîtriser les deux langues. Après, c'est pas. Oui, c'est ça. Mais après, il y a aussi des surprises. J'ai reçu certains artistes qui chantaient en phonétique, c'est-à-dire qu'ils avaient appris des trucs par cœur et ils chantaient une langue qu'ils connaissaient pas du tout. Ils ont inventé une langue et puis. C'est une langue qui existe. Moi, le cas que je connais, c'était NJ du groupe Jash, qui chantait une chanson en portugais parce que. Et elle parle pas le portugais. Et quand elle chante, ça passait. Ça passait. Avec le portugais et l'espagnol, je trouve ça pas simple, j'allais dire, mais c'est plus accessible, on va dire, de faire ça en phonétique qu'avec l'allemand ou le néerlandais. Après, ça dépend des origines. Après, japonais, chinois, c'est possible. Il suffit de travailler ça. Après, c'est vrai que c'est plus difficile, mais oui. Quand t'as pas de mots, tu fais vraiment que partie de l'âme, quoi. C'est pas évident. Voilà, mais j'aime bien ce mélange-là et tout ça. Et justement, quand on a reçu Max, il y avait aussi un morceau qu'on avait diffusé qui était bien et dedans il y avait il y a du portugais là-dedans. En vérité c'est un créole du Cap-Vert, donc effectivement il y a des mots portugais et j'avais reconnu, et j'aime bien ce mélange là de toutes ces langues. Voilà, c'est toujours agréable, il y a une phonétique différente, chaque langue a sa musique, et c'est bien de mélanger un peu tout ça, parce que la musique est universelle et internationale. Voilà, exactement. Très bien, donc j'en sais un peu plus sur toi, et puis comment tu fais tes morceaux, comment ça se monte. Est-ce que ça marche toujours de cette manière-là, ou est-ce que des fois tu travailles aussi avec d'autres musiciens je parle plus avec des basses, des guitares ou des vrais instruments, ou souvent c'est avec des machines? Le but, ce serait quand même que j'arrive à avoir des musiciens au bout d'un moment, parce que j'avoue que c'est là que je me sens mieux quand même. D'accord. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. En soi, on fait souvent des petites jams à Faille aux Loges tous les derniers samedis du mois, c'est ça. Et en général, à ces événements-là, du coup, il y a pas mal de musiciens qui viennent et donc qui montent sur scène dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'ils peuvent. Guitaristes, batteurs, pianistes, un peu tout. Et donc à ce moment-là, effectivement, on vient faire des petites impros, ou alors je viens faire mes musiques avec des musiciens, mais sinon pour le coup c'est vraiment surtout prioritairement les beatmakers, etc. Après c'est pour faire du studio, mais c'est vrai que quand on va voir un spectacle, c'est pareil, quand il y a des vrais musiciens qui bougent et tout ça, c'est encore plus agréable. Un vrai batteur, c'est plus agréable à regarder qu'une machine qui une boîte à rythme. Mais même si aujourd'hui c'est bluffant quand même, parce que avec les machines on arrive à faire des choses vraiment incroyables, et il y en a qui savent très bien s'en servir, c'est surtout ça, parce que les possibilités sont sont là, mais il faut aussi savoir travailler pour réussir à s'en servir et faire des bonnes musiques comme on a écouté tout à l'heure. Bravo en tout cas. Très bien. Est-ce que tu m'as dit que tu faisais des jams, tu avais fait quelques concerts. Est-ce qu'il y a des concerts qu'on peut commencer déjà à annoncer ou pour l'instant il n'y a rien de rien de particulier. Rien de particulier. Voilà. Donc. Si les gars. Voilà. Oui. Ah, le 22, pardon. Ah, pardon. Mais à coup de pas. Effectivement. Le 22, il y a les concerts, si. Si. Non, mais je fais exprès pour que tu puisses intervenir quand même. Les gars. Parce que Anton, voilà, tu te sentais un peu timide en arrière. Et c'est bien que tu interviennes. C'est bien, c'est juste. C'est pour le faire réagir. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'écoute, je suis attentif. Voilà. Ouais. Et si on dit des bêtises, hop, tu es là pour intervenir. Oui, exactement. Le 22, ouais. Le 22. On va dire plein de bêtises pour qu'il intervienne assez régulièrement. Voilà, exactement. Voilà. Exactement, le 22, la semaine prochaine, voilà, exactement, au bar Le Charbon, sur Orléans. D'accord. Donc, voilà. Lusto Lassi. D'accord. Le H. Il y aura du Lusto Lassi, il y aura le H. Ouais, d'autres Farad, artistes. Voilà. Okay. Voilà, tous les artistes de la Jamensi. Comme d'habitude, présenté par le grand chef en Red Sea, Manu, ouais. Angel. Ouais. Il y a plusieurs noms. Et voilà quoi. Ouais, hein. Ouais. Ça va se passer, ouais. dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Oui, toujours. Voilà, pour retrouver tout ce beau petit monde. Au charbon. Et il faut savoir, alors j'en profite, hein, juste ouais, pour deux secondes. Il faut savoir que la JamNC, on accueille tout style d'artiste. Ah oui, d'accord. Vraiment. C'est pas une jam rap, une jam jazz, c'est tout. Les styles, ils sont les bienvenus. Bah oui, je pense. Que ce soit. Ouais, voilà, une jam en fait. Une vraie jam. Une vraie jam en fait. Et que ce soit même des artistes, pas forcément des musiciens ou des musiciennes. Ça peut être des slameurs. Ça peut être tout style en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis justement, c'est peut-être l'occasion aussi de faire des mélanges et de créer des nouvelles musiques. Exactement. C'est ça le but. Hein. Voilà. La jam MC, c'est un mélange. Voilà. D'accord. C'est une jam et un concert durant la même soirée. D'accord. Super. Voilà, c'est une soirée scindée en deux. On a un concert suivi d'une jam en général. Mais ça sera un format assez particulier ce samedi 22. Ça sera une jam suivie d'un concert pour clôturer la soirée. Voilà. Donc voilà. D'accord, très bien. Vous avez annoncé quelques artistes. Vous pouvez en annoncer d'autres. Qui c'est que vous faites jouer habituellement? On a eu du monde. Hein, ouais. C'est, dans les jams d'avant, ouais. Dans les dernières jams, on a eu 3615 Mathias, artiste de la ville. On a eu Leroyd. On a eu Farhan, le H. On a eu Ronnie Bestial. Voilà, on a eu la demoiselle ici présente aussi, et bien d'autres peut-être que j'aurais oublié. Je pense qu'on en oublie, mais il y en a pas mal qui sont passés quand même. Ouais. Voilà, même on connaît pas spécialement les noms. Voilà, on a un DJ qui est spécialisé en vinyle, Ginger Ovik, qui est passé aussi nous faire une petite prestation là-bas. Notre DJ qui est là à chaque fois avec nous, Guiding Star, Selecta Jacob. Mmh. Voilà. Jacob Badman, force à lui. Et voilà. Oui. On a un peu de monde qui passe. Ça nous a amené à rajouter un événement sur chaque mois. Donc on faisait un événement par mois à Fayologe. Tous les derniers samedis du mois, c'est toujours d'ailleurs d'actualité. Ouais. Et là, on se retrouve à créer un événement aussi sur Orléans, une fois par mois, pour ceux qui ne peuvent pas venir ou ne peuvent pas se déplacer à Fayologe, puisque c'est pas à côté. Donc voilà. Très bien, c'est une bonne initiative et puis j'étais pas au courant de ça et puis voilà, en tout cas on va dire une fois de plus aux auditeurs, quand vous avez l'occasion, sortez, allez voir les artistes, ça c'est important, il faut les encourager, on a de bons artistes, il faut aller les voir parce que un jour si on continue comme ça, il y aura plus d'événements, il y aura plus rien, et après on va dire mais comment ça se passe, Orléans, il y a plus rien, quand il y avait quelque chose, eh ben, il fallait sortir aussi parce qu'il faut encourager les gens, donc voilà, les artistes aiment bien quand les salles sont pleines et que quand le public est réceptif. Et donc c'est pour ça qu'il faut des fois se dire « Ouais, je suis un peu fatigué ». Ouais, mais allez-y, vous allez voir, vous allez retrouver la pêche. Parce que c'est la musique, ça donne la pêche. Et puis la rencontre avec les gens, et puis c'est ce qui est formidable. Donc allez au concert, c'est bien d'écouter les disques, c'est bien d'écouter la radio pour découvrir tout ça. Mais après, il faut aller au concert. Là, c'est une autre dimension. C'est quand même, les gens sont devant vous. Et puis voilà, c'est super agréable. La proximité. Très bien. Donc voilà, ça c'est ce que je dis à chaque émission. Donc il n'y a rien rien de nouveau. Il faut aller voir les artistes, tout style. Il faut vraiment découvrir. Oui, oui, ça, c'est formidable. Mélange, et justement, partage. Quand on arrive à faire des mélanges avec des trucs improbables. On parlait tout à l'heure du Maverika, de la chanson Maverika qui a été enregistrée. Oui. Je me souviens, il y avait des gens qui faisaient du métal, d'autres qui venaient du punk, d'autres qui faisaient de la soul, d'autres qui venaient du reggae, la chanson française. Et tout le monde ensemble. Et puis, on a passé un super moment. Et on a fait un morceau qui est enregistré pour la postérité. Voilà. On est content de l'avoir. Je vais le chercher, puis on va l'écouter quand même d'ici la fin de l'émission. On va continuer avec une autre chanson de Luce. Oui, allons-y. Alors, c'est la chanson. Alors, c'est remix de Sunday, Bloody Sunday. Exactement. C'est le morceau qu'on connaît de YouTube. C'est le morceau que tout le monde connaît. Voilà. Encore, je me suis dit, ça serait étonnant qu'une deuxième. Mais ça pouvait se faire. Hein. Des fois, il y a deux morceaux qui ont le même titre. Ça aurait été important de ma part. Ah ouais. YouTube, donc, c'est un groupe qui t'a inspiré ou? Oh, oui, bien sûr. Ah ouais. Oui, totalement. Ça a été ma musique préférée, d'ailleurs, Sunday, Bloody Sunday, quand j'étais petite. Ouais, c'est vrai que c'était un morceau quand il est sorti. C'était une vraie tuerie. Je me souviens, on l'écoutait dans toutes les radios et tout ça. Un super groupe hein, qui est toujours encore parmi les plus grands mondiaux. Hein. Il faut quand même le dire. Un concert de U2, on y va une fois, on l'oublie jamais. Hein. Apparemment, c'est le groupe qui joue le plus fort du monde. Apparemment, ils ont eu des problèmes. Une voix portante de malade. Et puis les musiciens. Quand tu les vois en live. Et puis ils ont une sono incroyable. Il paraît qu'il faut y aller, mais emmenez des bouchons quand même si vous êtes très bien. Parce que ça serait dommage de perdre l'audition et après on peut plus savourer les autres musiques. Voilà, donc on écoute ce morceau et puis on se retrouve après dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec Luce Tolassi. C'est vrai. Tonight, Les couleurs de l'arc-en-ciel, Marie. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà un très bon souvenir. Donc c'était la chanson Mavrika que j'ai retrouvée, bien évidemment, puisque je l'ai toujours dans mon ordinateur. Donc ça c'est la version longue avec avec toutes les vocalises et puis les chœurs et tout ça. On avait passé un bon moment d'enregistrement. Donc ça a été fait sur deux week-ends. Un week-end où les musiciens ont enregistré et un autre week-end où il y avait tous les chanteurs. Exact. Et il y en avait, si je me souviens pas, bien une bonne vingtaine de tous les styles, Et donc il y avait des amateurs, des professionnels, il y avait des gens qui venaient du reggae, d'autres qui venaient du métal, du hard rock, du rock, de tous les styles. Donc on avait passé un très bon moment et donc un très bon souvenir. La chanson Mavrika, la chanson qui fédère un peu tous les musiciens. Tous les musiciens. Voilà. Et peut-être aurons-nous la chance un jour d'enregistrer dans un studio, peut-être un autre studio ou peut-être le même, si jamais quelqu'un veut nous inviter, refaire une chanson Mavrika, remettre d'actualité. Sache-le, Albino, avec plaisir. Et puis comme ça on inviterait tous les gens qui veulent venir à avoir le maximum de chanteurs avec des voix différentes carrément. Il y en a qui peuvent très bien être plus dans le grave, d'autres plus dans l'aigu, d'autres qui ont vraiment toutes les fréquences comme toi, tu passes du grave à l'aigu. et puis voilà, chaque voix a sa chaleur, donc mélanger tout ça, ça serait en tout cas super bien. Et bon, un très bon souvenir, je sais pas combien d'années déjà, ça fait un petit moment déjà. Je crois que ça fait mon âge. Non, peut-être pas. Non. Non. Ça aura peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est ce que j'étais en train de me dire. Une dizaine d'années, effectivement, t'avais quel âge, toi, une dizaine d'années, lui? Il y a une dizaine d'années. Je sais pas, peut-être 13 ans. T'es encore à la crèche, hein, c'est ça, non? Ok, super. On est sur de l'humour, là, c'est génial. Eh oui, il faut bien. Oui. On aime bien se chambrer les uns les autres. Alors, les jeunes, ils aiment bien chambrer les vieux, ils aiment bien chambrer les jeunes. Et voilà, c'est comme ça. C'est tout le temps. Manu, il me chambre constamment. Je pense que vraiment, je me fais exploiter. Mais l'avantage justement, c'est justement tant qu'on est ensemble et qu'on partage des bons moments. Et la musique, justement, c'est un truc qui fédère tout le monde et voilà, ça rassemble tous les gens, quel que soit l'âge. Et moi, je suis content des fois dans des groupes de voir qu'il y a des gens qui sont d'âge différent et qui se retrouvent autour de la bonne musique. Et oui, c'est effectivement, ça le plus Manu est 30 fois plus vieux que moi, quoi. Donc effectivement, faire de la musique avec une très vieille personne, c'est dur des fois. Tu vas me parler autrement. On va pas dire quel âge il a. Très bien, donc là on a écouté la chanson Mavrika et juste avant on a écouté une autre chanson d'ailleurs que je n'ai pas notée mais que je vais retrouver sûrement parce que je note tout dans l'émission Mavrika. Ah oui, c'était Bloody Sunday, ouais, donc la reprise. Voilà, ça me revient. Comment peut-on oublier une si belle chanson et interpréter vraiment d'une manière super agréable. Franchement, moi j'adhère bien à ce style de musique. Tout à l'heure aussi, on a eu des gens au téléphone. Et puis n'hésitez pas aussi d'aller mettre des petits commentaires sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous mettez des petits j'aime ou parce qu'il y a la liste avec tous les titres qu'on va diffuser. Et il y a aussi par téléphone. Tout à l'heure, on a eu une personne qui nous a appelé. Alors c'est une personne qui nous appelle habituellement déjà dans toutes les émissions de Mavrika. Donc c'est un fidèle auditeur et c'est aussi un artiste. Hein. Il s'agit de notre ami Christophe, on lui fait un petit coucou parce que franchement, coucou Christophe. Et en plus Christophe lui, il a un groupe qui s'appelle Prisma. D'accord. Il est guitariste du groupe Prisma et il organise aussi un événement. On en parlera un petit peu tout à l'heure. D'accord. Un événement qui aura lieu bientôt où il y a plusieurs groupes qui vont faire du rock. Hein, si vous aimez le rock, si vous avez envie de passer un bon moment avec du rock énergique et mélodique, hein, malgré ça, donc vous pouvez y aller. Ça s'appelle le Creek Fest. C'est l'édition numéro 4 qui aura lieu très très bientôt. On en parle tout à l'heure. Voilà, en tout cas, on lui fait un petit coucou et puis on est content de savoir. Et en plus, il me dit tu passes un bonjour et merci de nous faire écouter des choses différentes parce que lui, il n'est pas du tout du même même style musical, mais comme beaucoup, il écoute plein de choses différentes pour pouvoir justement s'inspirer et puis justement rencontrer aussi d'autres artistes. Très bien. C'est gentil, merci. Voilà, et dans l'émission Mavrika, on aime bien justement mélanger un petit peu tous les styles. Et puis, c'est ce qui fait aussi que l'émission Mavrika n'est jamais pareille d'une édition à l'autre. Donc à chaque fois, c'est différent. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que on l'a fait tous les vendredis soirs de 19h à 22h. Voilà, on va continuer à découvrir notre invité de ce soir, Luce Tolassi, qui c'est la première fois que j'écoute ses morceaux. Alors je découvre en même temps que les auditeurs. Et il y a des fois des trucs qu'on écoute comme ça. Mais là, franchement, c'est profond, c'est bien fait, tout ça. Une très belle voix. Et puis donc voilà, c'est une future artiste internationale, j'espère. Voilà. Il faut pas oublier que tous les artistes internationaux ont commencé en étant artistes locaux. Faut quand même le dire. Oui, voilà, il n'y a pas d'exception. On a pas d'exception. C'est ouais. toujours un point de départ. Il y en a qui ont commencé petit comme ça. Ils pensaient même pas qu'un jour ils auraient une carrière internationale. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite. À lui tout le c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Tout le mal qu'on lui souhaite. C'est clair. Très bien, donc tu écris tes chansons, des fois c'est en français, des fois c'est en anglais, des fois c'est un petit peu les deux. Et puis on a écouté déjà des morceaux, des fois c'est très groove, soul, des fois c'est plus reggae, donc c'est un peu les styles que tu aimes. Oui, c'est ça, en fait, je varie vraiment en fonction de ce qui m'inspire ou non, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien me lancer une instrumentale reggae, j'ai beau écouter beaucoup de reggae, l'instrumentale en question peut ne pas me plaire. Tout comme une instrumentale de soul pourrait me plaire, ou une instrumentale de jazz pourrait me plaire ou non. Enfin, du coup, en fait, je fais vraiment en fonction de ce qui m'inspire pour le coup. Et là, que ce soit reggae, soul, jazz. Et puis reprendre une chanson de YouTube, une très belle chanson. Et alors, c'est toujours la difficulté. Quand on reprend une chanson que tout le monde connaît, c'est pas évident, parce que si jamais c'est pas bien repris, des fois on se dit, bon, il vaut mieux pas y toucher, il vaut mieux laisser l'original, elle est très bien. Mais là, quand on amène quelque chose de plus, là, je trouve que c'est fabuleux. En tout cas, superbe morceau. Alors moi, les morceaux, je les ai sur l'ordinateur et on va pas se priver de les diffuser dans les prochaines émissions. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on reçoit des invités ici, la priorité est aux invités. Donc, on va diffuser le maximum de musique que vous avez choisi, et surtout, il y aura des interprétations en live aussi. Et régulièrement aussi, des fois, il y a des émissions où il n'y a pas d'invités et c'est fait un peu exprès. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi diffuser la musique que m'ont laissé tous les invités qui sont passés. C'est un peu compliqué. Donc, 3 heures de musique sur les artistes Mavrika par semaine, c'est pas tant que ça, hein, finalement. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus que ça. Très bien. On va parler des projets. Est-ce qu'il va y avoir un album? Est-ce qu'il va y avoir des enregistrements dans un studio? Est-ce qu'il va... Alors, il va y avoir une petite sortie d'un premier single sous très peu, d'ici normalement les semaines à venir. Hein, d'accord. 3 semaines gros maximum. Et donc par la suite, effectivement, je vais un petit peu enchaîner. Hein. Je vais lancer plusieurs singles jusqu'à obtenir un projet assez complet. Et puis voilà. D'accord. Ce sont les projets actuels. Donc là pour l'instant c'est un single, il y aura combien? C'est ça. Il y aura juste une chanson ou... Juste une chanson pour l'instant, c'est ça. Parce que... Single, non, parce que moi je pense encore à l'époque des 45 tours, quand il y avait un single, il y avait forcément 2 chansons parce qu'il y avait Voilà, on parle d'un temps que moins de la phase B. C'est ça, la phase A et la phase B. C'est peut-être une idée, hein. Ouais, c'est peut-être une idée. D'ailleurs, je suis en train de penser, ça devient de plus en plus avec le vinyle. Tout à l'heure, j'avais dit que Max m'avait rapporté son disque en vinyle. Et il y a les brunettes qui ont sorti un 45 tours. Alors ça, c'est encore plus étrange parce que on sort encore les vinyles, voilà, les 33 tours, tout comme ça, mais un 45 tours, ça devient carrément Beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Et ça revient. Exactement. Et justement, quand j'ai été voir aussi le groupe de Shadows Gone Out, ils étaient en concert, eux, ils vendaient la cassette. Alors la cassette, ça revient aussi. Alors il y a des nostalgiques. Ouais, la cassette Philips, la petite incroyable, que personne ne regrette finalement, mais à part les défauts, finalement, ils sont attachants parce que moi, j'aime bien la cassette. Hein. Ouais, bah à l'époque on avait que ça, donc on avait pas le choix. Ou alors après il fallait avoir les magnétophones avant professionnels et tout le monde n'avait pas la possibilité de les avoir, donc la cassette c'était l'unique moyen d'enregistrer. On enregistrait sur une cassette. Tu sais, Albino, il y a des gens qui commencent à voir aussi les tourne-disques. Hein. Ouais. Ça revient aussi. Oui, quand on parle des vinyles, ça revient chez les gens en particulier. Moi, j'ai un tourne-disque. Non, ça revient. Ça revient beaucoup. Le vinyle, c'est sûr. Qu'à un moment, c'était la révolution du CD. On dit, le vinyle va être abandonné. Et on croyait, franchement, qu'il allait disparaître. Et finalement, il revient. Et puis, il revient bien comme il faut. Parce que c'est une autre manière d'écouter la musique. Et bien agréable. Exactement. Et puis, c'est l'objet aussi. Avoir un vinyle, c'est quand même mieux que l'avoir dans son téléphone. J'ai un MP3 parmi les 2000 titres dans mon truc. Il est où? Il est par là. Alors que le vinyle, bon, on a l'objet avec quelques chansons dedans. Et... Collection. Voilà. Et c'est du coup lector. Ouais. Et puis c'est pareil, les MP3 on les a et puis on les jette et puis on perd le téléphone, on perd la clé USB, on perd le machin, ou alors ils sont au fond d'un disque dur parmi 40 000 titres, on sait plus où il est et puis on ne l'écoute plus jamais. Un disque, un jour on tombe dessus et puis on dit tiens, c'était pas mal ce disque là et puis on le remet sur la platine, on le réécoute. Voilà, c'est l'objet, il est là, il se fait pas oublier, il est là. Très bien. Donc pour l'instant ça sera un single, donc un seul titre. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore un vinyle, mais peut-être une idée. Oui, ça fait partie des projets, ça c'est évident. Ah oui. Ah oui. Oui, complètement. Donc après, ils puissent les passer dans les sound system et tout ça. Ah, là, voilà. C'est génial, en vinyle, c'est aussi si, le rêve carrément. Voilà, donc le vinyle, il n'est pas oublié, on y pense. Donc pour l'instant, ce single-là, il apparaîtra très bientôt. Il sera... C'est ça, les semaines à venir, là, d'ici 2 à 3 semaines au max. Et on pourra l'avoir où? Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Spotify, d'accord. Deezer. Apple Music, tous les trucs. Très bien, donc on tapera ton nom et on tombera dessus. Directement, oui. On a dû l'écouter déjà, c'était lequel nom? Stress, non, on l'a pas encore écouté. Non, il n'est pas arrivé. Pas encore. On n'est plus, les gars. Ouais, parce qu'il y a plusieurs morceaux qui vont être interprétés en live. Donc pour l'instant, on est en train de faire mariner un petit peu les auditeurs en disant il va y avoir du live. Mais on les fait attendre un petit peu parce qu'on passe des morceaux qui ont été enregistrés en studio. Et en plus, on a prévu aussi de passer des morceaux que vous m'avez envoyés là pendant l'émission. Et nous on est comme ça, on s'adapte, on pense à des trucs, tiens au fait je l'envoie et hop on le retrouve et puis on le passe sur le moment. Mais c'est le côté vivant, c'est le côté humain qu'on aime bien, qui n'est pas parfait, mais c'est bien les machines, mais côté humain aussi c'est sympa, hein, parce que les machines elles reviennent pas sur le truc, nous on peut revenir, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'adapter aux invités, etc. On va écouter peut-être un autre morceau parce qu'on papote beaucoup et puis on a encore plein de choses à découvrir et puis on a encore plein de choses à échanger dans cette émission. Et le morceau que j'ai calé justement, c'est vous qui me l'avez envoyé, alors je vais mettre mes lunettes pour pouvoir lire. C'est lui. Ouais. C'est ça. Alors pourquoi écrit c'est lui, c'est... Alors. Là, j'essaie de tout comprendre. Est-ce que c'est un artiste différent Non, du tout. En fait, c'est à l'époque où j'ai commencé, parce que Rich Sniffers, c'est la première musique que j'ai enregistrée, du coup, quand j'avais 15 ans. Anecdote. Petite anecdote. Et donc, à l'époque, tout le monde m'appelait Selu. Ouais, c'est donc, c'est Luce en verlan, quoi. En verlan, ouais. J'avais cru comprendre. Et donc, du coup, c'est la plupart des musiques que j'ai faites à l'époque avec Astronaute, il y a écrit Selu au lieu de Luce Tolassi, quoi. Mais c'est la même personne. C'est toujours la même personne. Rich Sniffers, c'est pas soi. Non, mais c'est... Ah oui, c'est vrai, ça. Mais non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'était à Numesis, ça. C'était au studio Numesis à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Exactement. En fait, je suis... parti un petit peu au culot, regarder sur internet s'il y avait des studios d'enregistrement à Orléans. J'ai trouvé du coup le studio Numesis, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. D'accord, c'est vrai que je n'ai pas entendu parler encore. Il existe encore? Non, il n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Je crois qu'il était connu ce studio Numesis, rue Foch. À l'époque, c'était rue Guillier. Non, Foch-Limard. Foch-Limard? Ah oui. Ah, je pensais que c'était rue Guillier. Oui, alors oui, ça doit être ça. Oui, mais une rue perpendiculaire à la rue des Carmes, c'est ça. C'est ça. Il était sympa ce studio là, il était vraiment cool. Il y a eu un artiste Ritsa. Je crois qu'on a enregistré là-bas. C'est un titre qui a explosé internationalement, ce morceau là, Céda. C'est bien de le savoir, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de citer les studios, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui écoutent l'émission Mavrika, parce que c'est quand même l'émission des musiciens, et donc des fois c'est intéressant d'échanger, voilà, il y a tel studio, ou alors, bon, il n'existe plus, mais c'est bien aussi de se remémorer justement tous ces moments ça fait partie de l'histoire de la musique sur Orléans, quoi. Oui, totalement. Puis il était bien drôle, ce studio là d'accord. J'ai bien aimé, j'apprécie beaucoup. Mais oui, non, effectivement, je suis arrivée avec une instrumentale que j'avais trouvée sur YouTube un petit peu au culot. Et puis bon, bah j'arrive dans le studio, c'est que des mecs qui font du rap, etc. À la base, j'arrive, j'ai 15 ans, je suis la seule petite lunette qui arrive dans le studio, quoi. Donc je me sentais pas très à l'aise, pour être très honnête, au début. Et puis au final, on a réussi à enregistrer le son de reggae. Donc l'ingé son, qui s'appelle Billy d'ailleurs, était plutôt content parce qu'il avait peu de reggae autour de lui dans son studio, donc ça lui faisait plaisir. Ouais, c'est vrai que les studios, souvent, ils ont une couleur, quoi. Ils sont, et là, ils sont plus spécialisés dans le rap, d'autres dans le reggae, d'autres dans le métal, etc. Ils ont chacun leur truc. Et après, il y a aussi des studios où il y a plusieurs ingénieurs du son qui peuvent enregistrer plusieurs styles différents. Voilà, et bah là, pour le coup, ouais, c'était totalement le cas. Ouais, il savait enregistrer vraiment de tout, quoi. Et en fait, il a posté une story sur Instagram. Et à partir de ce moment-là, Anton m'a envoyé un message le soir même, et dès le lendemain, je me suis retrouvé chez Astronaute. D'accord. Dès le lendemain, quoi. Tout s'est enchaîné. Je me suis pas déplacé ce jour-là. Il me semblait que je suis venu, hein, parce que moi, je me souviens de toi dans la cabine, hein, et de ton père. Et de mon père. Ton père était pas là ce jour-là. Mon daron n'était pas là. Il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Il y avait Flavito. Ah ben voilà. Il y avait Flavito qui m'accompagnait. Un accompagnant. Il y avait quelqu'un. Il y avait Flavito qui m'accompagnait. Voilà. Ou pas, en tout cas, ou pas. Jolie rencontre, pourquoi pas. Allez. Allons-y. Mais oui, c'est grâce à ça qu'on a pu se mettre en contact, moi et Anton. Oui, effectivement. Et depuis, on se colle au basque. Oui. Mais... Voilà. Ça me rappelle justement une discussion qu'on a eue la semaine dernière avec Lajari a un studio sur Orléans qui s'appelle Mea Culpa, et où il enregistre pas mal d'artistes de la région, hein, dans tous les styles. Et eux vont aussi enregistrer dans d'autres studios. Chaque album est enregistré dans un studio différent pour avoir justement une couleur différente. Ils ont été enregistrés le dernier album dans le studio de Stromae, donc avec des ingénieurs du son qui travaillent pas du tout de la même manière que d'autres, parce que il y en a certains, c'est plus du rap, etc. Et justement, faire mixer et masteriser leur son par différents ingénieurs du son, ça donne à chaque fois une couleur différente, par album, et c'est enrichissant, quoi. Je trouve que c'est bien, quoi. C'est ça, hein. Mea Culpa, c'est à Orléans. Ouais, c'est Orléans, ouais. Mais on était leurs voisins, justement, au Numésis. C'est de nos voisins. Ah, d'accord, très bien. Ah, bah oui. Mea Culpa, c'était le studio Juke. Quand tu descendais la petite pente, voilà. Oui, on était au-dessus. Les petites marches, etc. Voilà, exactement. Mais c'est carrément pas d'accord. Ce incroyable. Donc, c'est qui faisait le plus de bruit là-dedans? Je pense que c'était un Numésis, puisque ça n'existe plus, du coup. D'accord. Ah, oui. Ouais, les voisins du dessous ont porté plainte et ils ont réussi à le faire expulser. Voilà, on enlève la concurrence comme ça. Mais ça fait trop de bruit. C'est une blague, hein, je pense. Mais oui, je m'en souviens. Très bien, donc on va écouter ce morceau qui s'appelle comment ? Rich Sniffers. Rich Sniffers. Ça veut dire quoi, ça ? Les sniffers riches. D'accord. Ok. Ah ouais. Oui, tout simplement. C'est vrai que moi, je cherchais un peu plus loin. Et mon niveau d'anglais n'est pas très très élevé, donc effectivement, on écoute tout de suite. Donc c'est Célu. C'est écrit Célu, mais oui, c'est Busto Lacidu. Bon, qui sortira bientôt aussi. Qui est notre invité ce soir dans l'émission numéro 631. the politicians if this way. Something that she make us not natural. Reach the first day in bed instead of smokers who run in prison. Regardless of the condition they're in every day. Notice that utopia isn't truly real, eh? Even if we do the most, it never works, eh? But you can go to jail even if you were just a pack. People shot and dying every day. Petit retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à Floril-Soubret, à 5 minutes du centre d'Orléans, à cette heure-là, hein, parce que si vous venez aux heures de pointe, vous mettrez plus de temps à venir au studio. Enfin, voilà, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission numéro 631, Luz Tolassi. Elle est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté déjà plusieurs morceaux. Il y aura du live tout à l'heure. À l'instant, on vient d'écouter The Crass Band, un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps, alors qui font du la musique du rock australien, hein, on va dire ça comme ça. Donc ce groupe là fera partie du prochain Maverick Alive, donc le Maverick Alive numéro 14, ça sera le samedi 19 avril à l'espace Pierre à la chapelle Saint-Mémin. Et il y aura d'autres artistes, il y aura Azen Blues, il y aura The Cross Band, donc qu'on vient d'écouter à l'instant, il y aura le groupe Deep Turtle et Chris et Phil qui feront donc le changement de plateau. Donc à chaque changement de plateau, ils seront là pour faire le lien. Et puis pendant que les gens, ils iront boire un petit coup, voilà, tout simplement. Et juste avant, nous avons écouté encore un morceau de Luz Tolassi, qui est notre invité, et un morceau qui s'appelle Rich Sniffer. Sniffer, c'est voilà. Ça. Sniffer. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais mettre Sniffer. Encore plus américain. Je vais faire la trempe, tu vois. Un peu. Voilà, c'est vrai que on me l'a dit souvent que mon accent anglais, voilà, j'ai un accent anglais, mais il est un peu de la région de Munich. Hein. C'est en Angleterre. Bon bah voilà, c'est pour ça. Ça explique tout. Très bien, donc on a écouté superbe morceau, hein, franchement, moi qui aime le reggae, c'est profond, superbe voix aussi, franchement une très bonne découverte, et j'espère que tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel sont heureux de découvrir cet artiste. Donc pour moi c'est une découverte ce soir, et on va continuer de la suivre tout le long de sa carrière, hein, jusqu'à ce qu'elle devienne, qu'elle fasse un tour du monde. Franchement, le son est super bien, ta voix est super bien. C'est super bien calé. Quand j'écoute ça comme ça, je me dis c'est digne d'une grande artiste, hein. Très bien, voilà, donc Rich Sniffer, voilà le morceau qu'on a écouté. Donc on va continuer à découvrir ta carrière. Tu chantes déjà depuis depuis toute petite, et depuis l'âge de 15 ans tu commences à faire ça de manière un peu plus en enregistrement etc. Donc tu as rencontré pas mal d'artistes différents, tu étais dans plusieurs studios, tu as enregistré déjà pas mal de morceaux, tu as déjà aussi fait quelques concerts. Donc on va annoncer à nouveau la date. Vous vous souvenez de la date? Oui, oui, le 22 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le vendredi prochain, ouais. Sous Orléans, au bar Le Charbon, venez nombreux. Les artistes de tous bords, de tous styles, ouais. N'hésitez pas à venir. Vraiment, c'est pas une jam centrée sur un style musical, c'est vraiment tout style, tout bord. Et que ça soit musicien, slammer, rappeur, enfin voilà, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, le public, bien sûr, qui rapporte de l'énergie. Bah oui. Vous êtes les bienvenus aussi, et c'est un échange d'énergie, ouais, voilà, entre les artistes et le public. C'est super important, cet échange. Voilà, avec une bonne atmosphère, c'est l'essentiel. Voilà, parce qu'on a des valeurs à tenir. Des bonnes valeurs, donc voilà, ces valeurs-là, voilà, on veut les partager avec celles et ceux qui veulent aussi être là à ce moment-là pour partager avec nous ces valeurs. Voilà, ça, c'est important. Ben, c'est bien de le dire. Donc on va rappeler tout au long de l'émission. Parce que c'est quand même... l'événement s'appelle Jam NC. Voilà. Très bien. Voilà, puisqu'on est avec les concerts, on a annoncé tout à l'heure le Maverick Alive, et on va aussi annoncer le Creek Fest. On en a parlé tout à l'heure avec notre ami Christophe. Ouais. Donc lui, il organise régulièrement des concerts. C'est déjà le quatrième. C'est carrément un festival. Donc il va venir quatre groupes de rock. Hein. C'est dans le rock. Et même certains, c'est du heavy, d'autres c'est du hard, d'autres c'est du rock. Voilà, il y en a quatre. Ils écrivent le style en dessous parce que bon, c'est bien aussi que les gens le sachent. Mais bon. à chaque fois que j'ai été, moi j'ai déjà eu, je suis déjà allé à plusieurs plusieurs reprises. Mmh. Donc là c'est la quatrième édition, j'ai dû en louper une, voilà. Ouais, ouais, d'accord, okay. Et à chaque fois c'est que du bonheur parce que ce sont des bons artistes. Alors c'est l'occasion de retrouver le groupe Prisma, hein, donc voilà, ils font du hard, hein, d'après ce qu'ils ont marqué. Donc c'est un groupe orléanais, hein, le groupe Prisma. Il y aura aussi le groupe Stratagem, donc du hard aussi français. Il y aura aussi un autre groupe français qui fait du heavy qui s'appelle King Crown. Et il y aura aussi un autre groupe de rock français de leur région, hein, qui s'appelle Benzine, un groupe que j'ai déjà diffusé, mais que j'ai pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais je pense que ça ne saurait tarder parce que c'est un très bon groupe. Donc allez-y, ça sera le 5 avril 2025 à Cléry-Saint-André. Donc c'est dans la salle Espace Loire. Donc dès que vous arrivez là-bas, de toute façon, ça sera indiqué. Moi, la première fois que j'ai été, j'ai vu les affiches et j'ai réussi à me retrouver. Et donc l'ouverture des portes, c'est à 18h30. Donc c'est l'occasion de passer un beau moment et puis avec avec des gens bien qui aiment la musique et qui vont donner le maximum sur scène. Voilà. Très bien. Voilà, l'annonce est faite. Allez au concert, ça c'est important. Allez voir les artistes. Allez. Sortez un peu de chez vous. Ouais. Non, je sais qu'il y en a qui sortent. Voilà. Bah, c'est vrai quand il fait froid des fois. C'est... Ouais, c'est vrai que là on quand va faire les tout à l'heure, on va faire les beaux jours. Hein. Ouais. mais c'est vrai que quand c'est l'inverse, par exemple quand on vient des beaux jours et puis c'est l'automne, les gens le soir ils ont plus envie de sortir, la nuit est tombe, il fait froid. Ouais, et... Mais après allez hop, on prend son manteau, on y va et puis une fois qu'on est là-haut, on n'a plus froid, on n'a plus rien, tout va bien, on n'a plus mal nulle part, même si on a passé une semaine, on est bien fatigué, et ben on retrouve la pêche, quoi. C'est vraiment bien. Très bien. Donc, on va continuer à découvrir Luce, qui est notre invitée. Alors, moi j'adore sa voix. Elle a une superbe voix. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ouais, elle peut mieux faire. Ok, d'accord, ça marche. Il faut pas l'écouter, lui. Il faut pas lui demander son avis. Elle est vraiment talentueuse. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que tu as une belle voix. Est-ce que ta voix, c'est naturel? Est-ce que tu la travailles, forcément? Oui, quand même. Oui, je pense que... Parce que il y a déjà des gens qui ont ce truc-là. On l'a pas. Il y a des gens qui chantent faux. Il y a rien à faire. Et toi, tu chantes juste. Il y en a qui chantent juste, mais ils ont pas une voix de canard. Bon, ça va pas. Toi, t'as une belle voix. Et après, il y a aussi beaucoup de travail. Hein. C'est pas inné. Il y a pas que ça. Il faut déjà avoir des bonnes bases. Mais après, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu as pris des cours de... Non, pas encore. Pas du tout. Pas du tout. Non, du tout. En fait, pour le coup, les pseudo-cours que je pouvais avoir, c'était moi et moi-même. En fait, je me faisais des séances karaoké quand mes parents y partaient au travail et que moi je rentrais des cours plus tôt, donc du coup je faisais ma petite séance karaoké. Tu t'enregistres et tout ça et tu réécoutes après. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que des fois sur le moment tu dis ouais, super bien, et puis quand tu réécoutes, non, c'est pas ça, je suis mal. Mais après, c'est comme ça qu'on se corrige et tout ça. Ouais, et après, totalement, ça fait un entraînement en soi. Et après, il y a aussi des artistes qui ont pris des cours simplement, même des artistes qui ont des très belles voix et tout ça, et qui en plus ont trouvé des coachs, des gens qui les font progresser. Et après, ça peut être au niveau de la voix, mais ça peut être aussi de la technique pour faire un concert, parce que des fois il y a des chanteurs qui ont une très belle voix mais au bout de 3-4 chansons ils s'essoufflent, etc. Donc il y a aussi une maîtrise de ça, il faut quand même une maîtrise de tout, de beaucoup de choses, effectivement. Donc la voix, il faut se la garder, il y a des techniques pour garder la voix, pour pas avoir des extinctions, pour pouvoir tenir tout le concert et tout ça. Donc je pense que mais toi pour l'instant c'est naturel, c'est comme ça. Oui, c'est... pour l'instant, ouais. Très bien, tu écoutes de la musique depuis toujours, t'écoutes. Ah oui. Oui. Je vis grâce à la musique, oui, totalement. Attends, une vie sans musique serait une erreur. Voilà, c'est des phrases magiques qu'on dit à chaque fin d'émission. D'ailleurs, on essaiera de pas l'oublier à la fin de l'émission. On a toujours l'habitude de dire les phrases magiques. Hein, depuis toujours, on a toujours dit ces phrases-là. Et ça fait partie donc de ta manière de penser, quoi. Voilà. C'est ça. Très bien. Tu as rencontré d'autres artistes. Tout à l'heure, on a cité pas mal d'artistes que tu as rencontrés dans la région. Est-ce qu'il y en a certains que tu as envie de citer, des gens que tu appréciais, plus que d'autres? Oui, il y a quand même tout un groupe que j'apprécie beaucoup qui est sur Paris, qui s'appelle le Palais Mental. donc qui est composé de plusieurs artistes, dont Tchurmi en ce moment qu'on entend pas mal, qui fait plusieurs musiques au piano. Il est autodidacte, il arrive à tout faire de lui-même, ses prods, la musique, ses paroles, enfin il fait tout. Ah ouais, aujourd'hui il y a des gens comme ça, c'est des magiciens. Hein, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et parmi ce groupe-là, il y a Noanas aussi. Qui est un rappeur, mais enfin comment dire, selon moi il fait pas partie de la même catégorie que tous les rappeurs ou quoi, c'est vraiment rap soul avec un vrai bon fond, comme on peut avoir des fois du mal à le retrouver en ce moment. Et Almost aussi qui fait partie du coup du Palais Mental, et ces trois personnes là sont pour le coup des super musiciens et super chanteurs. Très bien. Là, je suis en train de regarder aussi sur Facebook parce que il y a plusieurs commentaires comme ça. Et justement, comme on a fait tout à l'heure les affiches, il y en a certains qui nous écoutent et qui ont aussi envie de partager leurs affiches, parce qu'il y a aussi d'autres événements. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, le samedi 15 mars, à partir, donc c'est samedi prochain aussi. Donc, c'est au même temps que votre événement à vous, non? Non, nous, c'est le 22. C'est le 22. Ah oui, c'est encore la semaine. C'est demain, ça. Ah, ça c'est demain. Pour demain. Ouais, c'est moi qui suis décalé, je sais pas pourquoi. Le temps passe trop vite. Donc, ça, c'est pour demain. Donc, festival Tous en scène. Donc, il y aura Monday After Work, il y aura Black Door, la tournée du Baron, un groupe que nous avons reçu ici il y a pas très longtemps, Paul Herry. Aussi Claire en solo, Claire que nous connaissons très bien, que c'est la bassiste du groupe les Deep Turtle, qui jouera au prochain Maverick Alive, et Tara Fistolet. Voilà, donc il y aura deux scènes, il y aura du rock, de la pop and soul, de la chanson à texte, du funk, de la soul, des chansons françaises. Voilà, donc c'est à la salle des fêtes de Loury, entrée et participation libre, donc vous y allez là-bas, et puis vous savez que les artistes, il faut les aider, donc si on peut y aller, c'est déjà une bonne chose. Si on peut en plus les aider financièrement, bah voilà, c'est ça, il vous impose rien, hein, vous donnez ce que vous voulez, et il y aura donc la restauration, la buvette et tout ça. Donc ça se passe samedi 15 mars à partir de 19h à la salle des fêtes de Loury. Voilà. Donc voilà, au fur et à mesure on a des gens qui interviennent, et puis comme ça on partage aussi les événements. Donc il y a des événements, des fois on dit sur Orléans il y a rien, mais si vous fouillez bien, il y a toujours des choses, hein. Si vous voulez sortir tous les week-ends et même pendant la semaine, il y a toujours quelque chose, hein, sur Orléans. Oui. Donc, après, il faut aussi avoir envie. Hein. Donc, nous, on essaie de vous donner l'envie d'aller au concert. Très bien. Voilà. Est-ce que tu vas aussi voir des artistes, des fois sur scène aussi? Tu vas à des concerts J'admets que c'est plutôt rare. Ah pour ouais le coup, oui, c'est vrai. C'est vraiment rare. J'ai même jamais fait de concert de toute ma vie. D'accord. Je suis jamais allé à un seul concert de toute ma vie. Non, c'est vrai que j'y vais rarement. D'accord. En général, je vais surtout aux événements où il y a des DJ ou ce genre de choses, où on passe plusieurs musiques, où tout le monde peut bien danser, etc. Mais c'est vrai que les concerts, je les fais plus dans des cadres moins festifs, où c'est plus, je m'intéresse en fait à la personne ou à l'artiste directement. D'accord. Mais sinon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de faire de concerts concret pour un artiste ou deux, ça m'est pas arrivé. D'accord, et puis il y a aussi des petits événements comme ça où il y a plusieurs artistes, donc c'est souvent on y va pour en retrouver un qu'on a déjà vu, et puis on découvre les autres, et puis après ça nous donne envie de suivre aussi, donc c'est une manière de découvrir plein mal d'artistes. Donc il faut aller au concert, à ton concert aussi, hein, à tes concerts aussi, donc ça c'est très important. On a parlé tout à l'heure des projets. Est-ce que bon, il y aura un single qui va sortir très très bientôt. Est-ce qu'il y aura aussi des clips vidéo Bien sûr, c'est prévu. Ah oui, totalement, c'est prévu. D'accord. Oui, si, j'ai justement apporter le visuel à ma musique, c'est quelque chose auquel je porte beaucoup d'importance quand même. Parce que du coup, les musiques que j'écris, je les écris en visualisant un clip en premier dans d'accord ma tête. Et ensuite, je peux écrire les paroles. Donc du coup, j'ai de suite les images en fait en tête. Donc je sais déjà à peu près ce que je voudrais poser visuellement. Et oui, c'est le projet, c'est totalement le projet. D'accord, bah justement, on va parler comment te viennent tes idées. Alors tu nous parles, c'est des images qui viennent. Ouais. Alors c'est des images qui sont générées par quoi? Par l'actualité, par ta vie de tous les jours, par... Sûrement, alors pour le coup, j'ai pas spécialement la réponse, mais je pense que ça doit être lié à mes émotions, sûrement. Et en fonction de mes émotions, j'ai pas mal d'images. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait des rêves éveillés. C'est ouais. exactement le même principe en fait. J'ai un rêve éveillé pendant le temps où on me passe l'instrumental. Et pendant ce rêve éveillé, j'imagine des paroles en fonction des images que je vois dans ma tête, etc. D'accord, et c'est cette image-là que tu veux remettre sur un clip vidéo, quoi. C'est ça. Après, il faut réussir à avoir avec la personne qui va s'occuper de la vidéo, les gens qui vont faire le montage, qui vont faire des captures d'images, etc. Mm-hmm. Donc, pour essayer de retransmettre le mieux possible, justement, l'émotion que tu as. C'est ça. Voilà, ça c'est après, il faut trouver les bonnes personne et puis voilà, c'est tout un travail, mais bon, donc bientôt on pourra voir aussi quelques images. Oui. Très bien. Donc les sujets que tu abordes dans tes chansons, dans tes compositions, est-ce que c'est vraiment personnel ou est-ce que c'est général ou c'est du perso, c'est du général. Je parle beaucoup de mes émotions, de mes relations, de mes questions existentielles, etc. Et puis d'un autre côté, je peux très bien faire un son qui me correspond pas du tout vis-à-vis des paroles, mais qui peut correspondre à plein d'autres gens autour de moi. Donc ça dépend un peu. Il peut y avoir des messages cachés ou des choses comme ça, des choses que tu veux pas vraiment dire, mais tu dis d'autres mots et les gens des fois les interprètent d'une autre manière. Totalement. Et puis moi je pense que chaque personne s'accapare un petit peu les paroles d'une chanson. C'est pour ça que il y a des artistes comme ça qui sont très forts, qui disent des choses un peu floues comme ça tout le monde interprète les paroles comme ils le veulent. Et du coup ça plaît à tout le monde, quoi. Exactement. Donc après chacun s'accapare la chanson avec les textes qui vont avec de cette manière. Très bien. Voilà, je pense qu'on commence à découvrir bien ton univers. Est-ce que tu aurais un rêve, par exemple, quel serait le plus grand rêve, comment dire, c'était quoi la question que j'ai posée, j'avais une manière de la tourner. Quel est le plus grand délire artistique que tu aimerais avoir? Le plus grand délire, faire un concert en forêt avec des putains de musiciens. D'accord, en forêt. Vraiment, ouais, full nature, que entouré de plein d'arbres. Ah ouais, c'est ça carrément. Ah mais c'est pas évident après pour amener le courant, il faut du courant. Je peux tout dire. Bah, il y a les générateurs. Il y a les générateurs. Ça fait des bruits. Générateurs. À côté de. Ouais, les gros générateurs diesel dans la forêt, les écureuils qui s'en vont et tout ça. Le prix du générateur peut faire partie de l'instrumental aussi. On peut trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Très bien, ouais. Donc dans une forêt, on imagine, dans une forêt, peut-être dans une clairière quand même, entourée de qui est de la place pour qui est oui, le qui est de le la monde. Place quand même pour tout le monde. Donc, pour tout le monde. Et donc voilà, ce côté retour à la nature, c'est quelque chose qui t'inspire et que totalement, ouais, carrément. Ok, bah voilà, c'est une bonne chose. Est-ce que tu rêverais aussi de faire une première partie d'un artiste en particulier ou une tournée aux États-Unis? J'aurais fortement aimé faire une première partie, soit de Little Sims, qui est une artiste anglophone, du coup qui rappe en particulier. Et j'admets que en première partie, j'aurais bien aimé aussi. Elle est plus de cette époque, enfin, elle est plus de notre monde malheureusement, mais j'aurais tellement adoré faire une première partie d'Amy Winehouse. Ouais, je m'en doutais un petit peu que tu allais nous parler de cette partie-là, parce que j'ai compris qu'effectivement, elle nous a transféré tellement d'émotions avec sa voix et tout ça. C'est clair. Et puis bon, c'est un personnage, c'est Amy Winehouse, qui est vraiment une très grande artiste. Et puis sa manière d'interpréter les morceaux, et c'est vrai que avec ta voix, c'est vrai que il y a quelque chose qui nous rappelle un petit peu cet artiste-là, cette grande artiste. Donc voilà, très bien, c'est bien de lui rendre hommage aussi dans l'émission Mavrika. On continue un petit peu en musique. On va écouter le morceau suivant qui s'appelle Do Not Disturb. C'est ça, Do Not Disturb Mode. C'est une petite interlude. D'accord, c'est-à-dire interlude, c'est un morceau court. C'est un morceau court en fait, qu'on met en général, ça fait office de pont un petit peu dans les albums ou dans les EP, etc. D'accord, bon, on va écouter ça tout de suite, et puis on se retrouve juste après pour continuer l'émission avec Luce Tolassi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mud. I don't give you my card. I'm dancing on the road. I'm feeling fine, where would you go? Babe, I'm sorry, let me fix it. How many times did you fix it? Nothing changed, all my feelings are built with rage. Accepting your excuses, I feel fine, but not that fine. Smoking that weed slowly, I feel high, but not that high. I tryna recognize myself whenever I feel sad, but I'm scared about myself sometimes. Why would I take my life? It would be easier if we could love without pain. I wanna be better, but with love I can only feel pain. Nous deux, c'est mort. Nous deux, c'est mort. need to get this. I need to get something right back. Please let me get this. Confidence all over my back. Please let me taste this. Give me your trust. Let me feel your love. Now, baby, come please me. Now, baby, come please me. Un pas, deux pas, trois pas, c'est mort. Pas besoin d'effort, qui sera le plus fort? On se rejoint dans le hall. Toi t'aimes bien la saule, moi j'ai besoin de sous. Et j'ai besoin de nous. T'es sous soleil, c'est là que je nous vois. C'est bien mieux pour moi. Je compte plus l'oser quand tu m'appelles. Je pense plus à ma haine quand j'ai de la peine. On se captera ce soir à l'hôtel. Bébé compte sur moi, j'attends la paix. Feel like this day was so long. J'essaie de ne pas regarder le temps passer, mais so long. J'entends l'aiguille, mais je ne vois pas l'heure tourner, so long. Ramenez-moi autre part, je veux changer, so long. was pretty anxious. She wouldn't trust the word. And one day she looked at her. She tell herself, that's my last day. That's my last day, I say. When she walks in the room, you can see pain on her lips. You can see pain on her smile. You can see pain in her eyes. There's no secrets for her now. You don't know what's on her mind, but she can know what's in yours. Even if you hurt her, she will let you get a chance to hurt her again. She's not that confident. She used to panic when people laid their eyes too much on her. Goosebumps, head shaking at her two best friends. And when they came up, she trying to hide them. My poor girl. My poor girl. Stressed, I won't let her go. She can do what she want, even if it happens. She regret it, she thinks she's out of mold. But everybody keeps telling her she's an angel. She's an angel. Why would she believe them? That's a question that mustn't be there. But she keep asking herself, why do people are making fun of me? Seems like love didn't appreciate me. Cause for her love is primordial. She's got so much to give, but no one to receive. My poor girl. My poor girl. My poor girl. My poor girl. Don't hide the stress, you will be stronger. My poor girl. Poor girl, poor girl, poor girl. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monsieur Morceau, vous pouvez bientôt découvrir et apprécier sur toutes les plateformes. Chanter en live. Eh oui, Stolaki. Chanter en... Passer le 22. Ouais, chanter en live dans l'émission Mavrika. Voilà, ouais. Ça s'est fait comme ça. On a écouté plusieurs morceaux à la suite. On a écouté Mansoul avec Merci Mavrika. Le live, c'était dans l'émission numéro 238. Ouais. Donc ça remonte quand même. Hein. Aujourd'hui, on est à 631. Ça remonte, mais encore, on garde tout. Donc, oui, bah oui. C'était un truc improvisé. C'était parti comme ça en live. Et puis... on aime bien aussi jouer comme ça et dans l'émission Mavrika on fait beaucoup de live et c'est ce qui plaît aussi. On doit être une des dernières émissions au niveau mondial à faire ça encore comme ça à l'ancienne avec des micros, on met des micros et puis on laisse les musiciens s'exprimer. Juste après on a écouté Lustolassi qui est notre invité avec Nous deux c'est mort, So Long. Poor Girl, c'était la version instrumentale. Et puis, là, vous êtes revenu dans le studio et dit, on veut l'interpréter en direct live. Donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, là, on vient d'assister au premier live de Luce en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette interprétation en direct live. C'est vraiment improvisé. Et ça s'est fait comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont se faire par la suite. Parce que là, ça s'était fait vraiment à l'arrache. Parce que c'était pas prévu de passer ce morceau-là. Je pensais que c'était un morceau où c'était chanté et c'était instrumental, donc on l'a rebalancé et cette fois-ci Luce a mis sa belle voix dessus et ça s'est bien passé, ça a été oui, bien sûr. Très bien. Donc après il y a d'autres morceaux qu'on a un peu interprétés et puis là je lève la tête et puis je vois l'heure qui passe très vite, 3 heures finalement ça passe très vite quand on est bien accompagné, quand on a de la bonne musique. Donc il y a d'autres lives que tu voudrais interpréter en direct live? Oui, alors j'ai entendu que tu venais de passer So Long. Et ouais, il semble que So Long, elle n'a pas de parole, étant donné que c'est une version live également. Tu veux qu'on repasse aussi celle-là? Eh bien, avec grand plaisir. Donc, So Long. Je suis en train de chercher. Oui, c'était prévu pour une musique produite par D'accord. Cisco. Ah bah dans ce cas-là, on revient en arrière parce que j'en ai sur plusieurs dossiers parce que j'ai reçu les morceaux au fur et à mesure. Voilà, donc on va le recaler. Elle est recalée. Et donc, cette fois-ci, eh ben, on va arrêter la petite musique de fond. Ça sert à rien. Je vais couper mon micro parce que ça va tout gâcher. Et puis, je vais laisser, je suis en train de baisser mon micro alors que je suis en train de parler. Je vais baisser tous les micros. Je vais laisser juste celui de Luce. Et donc, elle va nous interpréter en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le morceau So Long. Luce Tolassi. I feel like this day was so long. Ah. J'essaie de ne pas regarder le temps passer, mais so long. Voilà, non, bah, c'est la version chantée qu'on a passée tout à l'heure. Donc, c'est la version normale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de retrouver. On peut mettre Stress, ma foi, ce sera la première qui sortira dans quelques semaines. Donc, je reviens sur le premier dossier, parce qu'on en a plusieurs. Donc, on va mettre Stress. Et cette fois-ci, c'est la version live. Pour le live, donc instrumental. On va arrêter la chanson So Long, puisque c'est la chanson chantée. Et tu vas interpréter la chanson Stress, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Très bien. Donc, je remets le son au bon niveau. On retrouve nos niveaux de tout à l'heure. Je coupe mon micro et puis c'est à toi de jouer. C'est parti. I lose my energy. Scars on my arms, that's why you made me do. I know that you love it. My blood keep falling, but I won't heal it. I finally cannot cool. I know I really regret it, but I keep on enjoying this moment. Hide it with a smile, so no one's gonna ask you how are you. And you're leaving by your side, knowing that only yourself can change your mind. The fuck beats you crazy, I know but that don't scares me. I mean, stress is under masking, got to do it so everything can go out. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que lance plus dans ma tête, je me réveille et je suis encore là, la mélodie t'attend plus. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que de l'inspi dans ma tête, je me réveille, je suis encore dans la mélodie tape dans mes veines. C'est qu'un combat habituel, je vis ce qui le tremblement. Quand mon tour arrive, le temps gèle, mon regard se fige, des coups de poignard dans le ventre. C'est comme ça que j'ai perdu le game, des paroles dans le vent, je t'écoute pas, je stresse. Mais comme d'habitude, ouais, je garde le sourire, je coupe ta vie palpitante, je te conseille, je te rassure. Mais à ton avis, qui l'a fait pour moi? Donc je rentre, je me pose, je repense à ma journée. Aussi pété que la veille, je manque au stress, j'encaisse tous ces coups près. J'ai plus la tête à jouer, je criais tellement fort, pleurais tellement fort, c'est vrai, j'ai pas l'habitude d'en parler, donc je lâche mon corps, je laisse m'envahir, ouais, j'ai plus la force pour continuer. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que de l'inspi dans ma tête, je me réveille et je suis encore dans la mélodie tape dans mes veines. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que de l'inspi dans ma tête, je me réveille et je suis encore dans la mélodie tape dans mes veines. Yeah, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Encore une interprétation en direct live, donc c'est un morceau qui s'appelle Stress. C'est ça. Et voilà, et c'est une version que t'es quand même chantée derrière. Oui, ma foi. Mais okay. Tu as rechanté par-dessus, et puis Petite erreur d'envoi. Ouais, parce que effectivement, on a deux versions, et les deux sont chantées, donc bon, c'est pas bien grave. Là, j'en ai calé une autre, c'est une version, je pense, où tu peux chanter dessus, c'est justement la reprise d'Amy Winehouse. Ah, oui. C'est bon, oui, celle-là. Me and Mrs. Jones. Mr. Ah, c'est Mister. Oh, oui. Voilà, j'ai beau avoir mes lunettes, j'ai mal lu. Me and Mr. Jones. Très bien. Parce qu'il y avait une chanson, c'était Me and Mrs. Jones aussi. Oh, je sais pas. Moi, ça me dit quelque chose, mais c'est bon. Je crois que tu confonds avec une musique de Outcast. Voilà. Ouais, mais ouais, c'est même plus ancien. C'est pas Mr. Jackson, c'était Me and Mrs. Jones. Ouais, c'était de la soul, la bonne musique. Ouais, voilà. Putain, je connaissais pas Mrs. Jones. C'est pour ça, moi, j'ai regardé. Bah, c'est Mr. Jones. Je pense que. Est-ce que c'est la même chanson? Non, c'est pas la même. Non, je pense pas. Non, c'est celle d'Amy Winehouse. Donc, des titres qui se ressemblent. Il y a juste un petit S qui manque. Et puis, ça fait la différence. Donc, on va te laisser donc avec la version de Amy Winehouse en direct live. Donc, je coupe mon micro, je laisse que le tien et j'envoie la musique. Voilà, c'est parti. Nobody stays in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the sacred game. Voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on peut l'applaudir, hein. Voilà, on n'est pas nombreux dans les studios, on applaudit. En tout cas, j'espère que les auditeurs prennent autant de plaisir que nous à écouter la voix de Luce en direct live dans nos studios. Et donc, c'est une reprise de Amy Winehouse avec Me and Mr. Jones. C'est voilà. Ça. On s'est pas trompé cette fois-ci. Super interprétation et quelle belle voix, franchement. Moi, j'ai écouté. Et tu places ta voix vachement bien. Moi, j'ai rien à faire. J'ai rien touché au niveau des réglages. Tout passe très très bien. Bravo encore pour ton interprétation. Alors je sais qu'il y en a encore d'autres derrière. J'en ai calé une autre. Je pense que c'est la version live aussi. C'est Go Out. Oui. Tu veux l'interpréter tout de suite? Allons-y, soyons fous. On est parti pour écouter un petit concert. Voilà, on est bien, on est au premier rang, nous, et on a la chance d'avoir nos invités ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et j'espère que les auditeurs prennent beaucoup de plaisir, parce que ce sont des morceaux qui sont interprétés en direct live, et on doit être les derniers au monde à faire ça encore à l'ancienne. Mais finalement, c'est ce qu'on aime aussi dans le côté humain de l'émission Mavrica. On écoute tout de suite Luce Tolassi avec Go Out. Wow. Non, non, quand je cry, ne reste pas si près. J'ai besoin d'être high, non pas oppressé. Peut-être faut que tu t'ailles, arrête de forcer. Faudrait que tu t'en ailles. But every time you try, my tears are gonna dry. But you know I don't lie. I gotta heal on my own. Je ne demande pas plus qu'un petit instant. Ma tête dans les nuages serait vraiment reposant. Un peu de compagnie, je dirais sur mon nom. Donc un petit instant serait bien réconfortant. So please, go out. Cause I think I might be sad right now. Oh baby. You're trying to get into my mind. J'ai tout essayé, mais t'en as rien à faire. Tu me parles que d'enjeux. Et tu t'es foiré, mais t'en as rien à faire. Tu fais ce que tu veux. But every time you try, my tears are gonna dry. But you know I don't lie. I gotta heal on my own. So please go. Cause I think I might be sad right now. Oh baby, get out. Get out. Cause I think I might break down right now. I might break down. I might break down. I might break down. Direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Voilà, sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz. On va le dire, voilà, à l'époque, on disait beaucoup les fréquences. Aujourd'hui, c'est vrai que la FM, on a un petit peu oublié. Il faut savoir aussi que on est transmis par Internet sur radio-arc-en-ciel.fr. Il me semble que c'est ça. Enfin, de toute façon, vous tapez radio-arc-en-ciel et vous allez tomber forcément sur nous, donc sur la fréquence d'Orléans. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde grâce à Internet. Voilà, donc en direct live. Je voulais aussi remercier plusieurs personnes dans l'émission. Alors déjà, la première personne que je voulais remercier, c'est Georges qui se trouve au Portugal, qui est notre webmaster et qui fait à chaque fois la petite affiche qui est publiée sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Et donc ce soir, il nous a fait cette affiche avec Luz Tolassi, qui est notre invité. Je voulais aussi remercier Florent qui est un auditeur assidu, qui écoute toutes les émissions. D'ailleurs, on est toujours en contact pendant l'émission et il enregistre cette émission-là et il fait le podcast. Donc les gens qui ont pas pu assister à cette soirée ou qui l'ont pris en cours ou qui ont dû partir un peu plus tôt, etc. Donc vous pouvez la télécharger ou l'écouter tout simplement sur Internet. Parce que très bientôt, Florent va nous partager le lien et on le mettra sur le site Facebook de Radio de Mavrika, pardon, excusez-moi. Et sinon, il existe aussi c'est sur un site qui s'appelle Groupe de Podcast de Radio Arc-en-Ciel. Donc, c'est celui qui est tenu par notre ami Florent. Et donc, moi, je copie le lien et puis je le partage sur le Facebook de l'émission Mavrika. Comme ça, tout le monde peut l'écouter ou le télécharger ou l'écouter, le réécouter, hein, aussi quand ça nous plaît. Voilà. Je voulais aussi remercier j'oublie, mais pourtant, c'est à chaque fois que je viens dans l'émission Mavrika, ben, il y a l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Alors, il faut savoir que Radio Arc-en-Ciel, c'est une association. Et donc, quand je vois l'équipe qui est là le vendredi soir en train de travailler, parce que souvent ils ont un travail à côté et qui font marcher cette association depuis des années déjà. Alors, je voulais les remercier déjà pour tout ce qu'ils font, pour tout ce travail. Et je voudrais aussi, au nom de tous les auditeurs aussi, parce que je suis à la fois animateur et aussi auditeur de cette radio. Et en tout cas, je les félicite pour ce qu'ils font. Et puis, je les remercie pour me laisser faire aussi cette émission que j'anime depuis 15 ans, l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, dans laquelle je reçois de bons artistes comme ce soir, Luste Lassi, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Voilà pour les remerciements. Est-ce que vous avez aussi des remerciements à faire passer auprès des auditeurs? Bah, on remercie déjà tous les auditeurs, ça c'est sûr, c'est en fait. Après, vous pouvez passer aussi des messages personnels. Vous êtes à la radio, si vous avez envie de dire quelque chose. Tout est ok. Un grand merci à tout le monde. Oui, c'est ça, ce vraiment. Merci à vous de nous avoir invités, d'avoir pensé à Luce. Oui, merci beaucoup. Et que dire, rendez-vous le 22 mars. Le 22 mars, ouais, au vas-y. Au bar Le Charbon. Allez, balance. Voilà, pour la Jam NC du 22 mars, au bar Le Charbon, venez nombreux, nombreux artistes, chanteurs, chanteuses, rappeurs, rappeuses, comme dirait bien Manu. Et venez amener votre touche, votre... Voilà, n'hésitez pas, la scène sera ouverte, il y aura un concert par la suite à partir de 22h. Et tout ça dans la bonne humeur et dans la joie, en musique. Et en partage. Voilà. Très bien. Voilà, super, super émission en tout cas. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à la faire avec vous. Et est-ce que tu veux encore interpréter un morceau en live? Bah, allons-y. Parce que bon, le sauveur en live. Bah, c'est celui que j'ai calé. Eh ben, tu vois, il y a eu une communication quand même qui s'est faite. Ouais, et il y a du. Et ça peut pas toujours tomber mal. On a eu plusieurs petits couacs où on n'était pas. C'est naturel. Bien. Voilà, il y a pas de souci. Mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours. On n'est pas des robots non plus. On n'est pas des robots. C'est le côté humain avec ses erreurs, tout. Voilà, c'est tout. Très bien, donc je baisse ma musique de fond, j'envoie le morceau et puis je coupe les autres micros et je te laisse Luste Lassi en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'interprétation de Le Sauveur, du Sauveur, on dit ça comme ça. Non. C'est so long que ça. C'est so long. Ouais, mais moi j'ai le sauveur regretté. Ah bah tu vois. Ouais. Et là pour le coup c'est la version live, oui. Et ben ma foi, laissons là, je vais la faire. D'accord, mais là c'est. Ouais, mais là c'est le écrit le sauveur, mais ça a été mal. Ouais, c'est-à-dire moi j'ai bien le sauveur. Eh bien écoute, je vais. Attends. Normal. Et puis je vais faire so long en version live. D'accord. Ah bah. Donc voilà, quand on veut faire un truc. Donc du coup c'est écrit le sauveur, mais c'est so long. Donc bah, voilà, on refait le truc. Donc en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous allons avoir maintenant Luste Lassi qui va interpréter So Long en direct live dans les studios. I feel like this day was so long. J'essaie de ne pas regarder le temps passer, mais so long. J'entends l'aiguille, mais je ne vois pas l'heure tourner, so long. Ramenez-moi autre part, je veux changer, so long. But emotions always weak. I let it go. I let my tears go by. Je ne penserai pas comme vous. Je ne me donnerai pas comme vous. Je veux vivre ce que j'aime. Pas de la haine jamais entre nous. Je ne penserai pas comme vous. Je ne me donnerai pas comme vous. Je veux vivre ce que j'aime. Pas de la haine. I feel like this day was so long. J'essaie de ne pas regarder le temps passer. Mais so so long. Ramenez-moi autre part, je veux changer. So long. So long. Give me the time, I'll be strong. I wanna be on my own. I get a feeling inside, I will do it, I'll be proud. By the time I will grow, learning lessons, I'll feel grown. Learning lessons, I'll feel grown. Yeah. Laissez-moi, s'il vous plaît, découvrir ma liberté. Laissez-moi, s'il vous plaît, découvrir ma liberté. I feel like this day was so long. J'essaie de ne pas regarder le temps passer, mais so long. J'entends l'aiguille, mais je ne vois pas l'heure tourner, so long. Ramenez-moi autre part, je veux changer, so long. Radio Arc-en-Ciel dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est radio-arc-en-ciel.com parce qu'avant c'était .fr, ça ne marche plus. Donc si vous tapez radio-arc-en-ciel, vous tombez sur radio-arc-en-ciel.com et c'est là-dessus qu'on peut nous écouter partout dans le monde. Donc c'était So Long, cette fois-ci interprété en direct par Lustre Lassi, qui est notre invité de cette émission numéro 631. Et ce qu'on va faire, on va aussi se débrouiller tout à l'heure pour essayer d'avoir le sauveur. Donc pour l'instant, on l'a pas encore, mais il est envoyé, donc il va falloir qu'on récupère le son, parce que des fois il y a une petite erreur. Pour une fois que ça tombait bien, ben non, il y avait voilà. c'est pas bien grave, ça arrive comme ça. La semaine dernière, pour ceux qui ont écouté, j'étais avec la Jarry et puis on écoutait un de leurs morceaux et tout d'un coup, boum, ça s'est arrêté, l'ordinateur s'est mis à faire une remise à jour, donc je sais pas pourquoi. Donc il a fallu qu'on passe sur un autre ordinateur pour pouvoir attendre que voilà, et puis c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez, on est dépendant des machines, et puis quand elles marchent bien, ben on est bien content, et quand elles marchent pas, ben après il y a des petits problèmes. Ouais. En attendant, là j'ai calé aussi un morceau qui s'appelle Do Not Disturb. Tu veux l'interpréter en direct live ? On l'a déjà passé tout à l'heure. En live, celle-là ? Non, pas en live. Ah ouais ? Justement, en normal. D'accord. Tu voulais l'interpréter, non ? Non. On n'a pas la version live. Ah, vous n'avez pas la version ? C'est pas la version live. Ah, parce qu'il y a écrit live. Ah, c'est la version normale ? Il y a écrit live version dessus. Il y a écrit live version ? Ah, ben c'est la version live que tu as. Si c'est écrit live version, tu l'as envoyé en live version, Luce ? Hein ? Non. Quoi ? On est un petit peu emmêlé. On est un petit peu emmêlé avec, oui, avec les fichiers. Mais qu'est-ce que t'as envoyé, bon, à l'instant ? Là, j'ai envoyé le sauveur. Ah. Donc, voilà, ce qu'on va faire, je vais passer sur notre ordinateur et puis on va passer justement le sauveur en direct, comme ça, on va l'envoyer de l'autre ordinateur, et on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire ici dans l'émission Marika. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Mais voilà, c'est parti. Donc, si tu es prête, je regarde que je me trompe pas de curseur et je vais fermer le mien et je vais te laisser donc avec le sauveur version live. Voilà. Ta cigarette, je vois tu stresses. Comment éloigner ta détresse? Laisse-moi soigner les douleurs que tu n'oses affronter. Ne passe pas la frontière, laisse-moi t'aimer, je garderai tes arrières. I keep it on the low, but I feel left out. My tears are on the floor and I can't get out. I'm trying to follow, but it is so hard. But it is so hard. J'ai ma dignité, je ne vais pas forcer. Comme un bouclier, je te protégerai. Si tu me laisses faire, je garderai tes arrières. Je ne t'aimerai pas plus que toi. Je veux t'aider, sors-toi de là. Tu as les clés, j'ai la foi, faut qu'on t'aille face. Je t'aimerai pas plus que toi. Je veux t'aider, sors-toi de là. Tu as les clés, j'ai la foi, faut qu'on t'aille so far. Ton sourire s'éteint, je ne vois plus que le mal. Je ne pose pas de questions, j'en ai des frissons. Verre à la main pour noyer tout ce qui est fatal. Je ne pose pas de questions, j'en ai des frissons. Quand vient la nuit, je comprends ce qui te fait mal. Je ne pose des questions, j'en ai des frissons. Je rêve d'un monde où ta douleur serait illégale. Plus de questions. Hey, donne-moi tes faiblesses. Ne laisse pas ton ivresse mûrir en toi. Tu t'agresses, je crois en toi. I keep it on the low, but I feel left out. My tears are on the floor, and I can't get out. I'm trying to follow, but it is so hard, so hard. Je ne t'aimerai pas plus que toi. Je veux t'aider, sors-toi de là. Tu as les clés, j'ai la foi, donc faut ride fast. Je ne t'aimerai pas plus que toi. Je veux t'aider, sors-toi de là. Tu as les clés, j'ai la voix, faut qu'on taille, so far. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Voilà, ouais. Ça fait du bien, bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, c'est ensoleillé, c'est un peu rythme bossa nova, ça ouais, c'est ça, exactement. Et donc avec la voix de Luce en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, franchement on a passé un bon moment ici. Ouais. Je crois qu'on a diffusé tous les morceaux là que vous aviez prévus. Ah ouais, on est à jour hein, donc on à la limite on pourra en repasser une deuxième fois pour nous séparer. Voilà, donc on a écouté plusieurs morceaux en direct live. Alors tout à l'heure, il faut que je remette aussi la liste à jour parce qu'effectivement, j'ai pris un petit peu de retard. Donc vous pouvez retrouver la liste de tous les morceaux que vous avez écoutés ce soir dans l'émission Mavrika sur le Facebook de l'émission Mavrika, tout simplement. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil et puis mettre un petit j'aime aussi, ça nous fait plaisir. En tout cas, on a passé un bon moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder dans l'émission parce qu'on arrive bientôt à la fin? Eh bien, je partage mes réseaux finalement. Effectivement, ouais. Si on veut me retrouver. Vous pouvez voir l'actualité sur Instagram. D'accord. Mon nom, c'est EL Tolassy, donc ELTOLA2SY. D'accord. Et on retrouve tout là-dessus. EL Tolassy, on retrouve tout dessus. Tolassy sur SoundCloud. Luce Tolassy sur SoundCloud aussi, on retrouve Rich Niffers sur SoundCloud. Rich Niffers, c'est d'autres morceaux qui vont bientôt arriver. Et il y a plein d'autres morceaux qui vont arriver sous peu. D'accord. Il y a. Quelques morceaux qui vont arriver. C'est ça, mmh. Et le nouveau single aussi qui va arriver. Stress qui arrive. Donc, finalement, l'actualité, c'est principalement sur Instagram. C'est ça. Tu n'as pas de site, tu n'as pas Facebook, non, c'est un petit peu non plus. C'est pour ça qu'on m'avait demandé justement, Georges, qui cherchait des images pour pouvoir faire l'affiche, me demandait, il n'y a pas un site Facebook? Et je dis, non, pas que je sache. Où il y en a, mais c'est titre personnel. Oui, c'est ça. Il n'y a rien du tout de. Voilà. Il n'y a pas. Donc, il y a. Même à titre personnel, pas sûr qu'il soit. Oui, il est pas à jour non plus. Donc c'est sur Instagram qu'il faut te suivre. C'est ça, etc. Exactement. D'accord, c'est très bien. D'autres choses encore, les réseaux sociaux. Donc on va attendre les vinyles, les cassettes et les CD, hein, bientôt aussi. Si vous voulez croiser Luce, n'hésitez pas à venir à la Jamel. C'est ça, faut venir à la Jamel. Tous les derniers samedis du mois. D'accord. À Fayolage. Ça se passe, il y a tous les artistes avec qui on travaille, qui sont présents en général, donc n'hésitez pas. D'accord, très bien. Donc c'est l'occasion de rencontrer de plein d'artistes et entre autres Luce Tolassi qui est là régulièrement. C'est voilà. Ça. Très bien. Donc le rendez-vous est pris. En tout cas, j'espère que tous les auditeurs ont eu le temps de tout noter. Donc je rappelle que les gens qui n'ont pas eu tout le temps, ils peuvent toujours réécouter le podcast. Donc il y a tous les trucs dessus. On n'a rien oublié. Hein. On arrive à la fin de l'émission. J'ai toujours peur qu'on arrive à la fin de l'émission et qu'on oublie un truc. On dit tiens, on avait dit qu'on avait parlé de ça et puis on a oublié. Ça m'est déjà arrivé. Des fois chez moi, je dors et puis on avait dit qu'on ferait ça et on l'a pas fait. On a tout dit. Magique. Ouais, les phrases magiques. Alors d'habitude la première phrase magique c'était que le rock'n'roll saute avec vous. Alors aujourd'hui on s'est un petit peu plus ouvert. Donc il y a tous les styles de musique. Aujourd'hui ça serait plutôt le reggae, la soul. La musique en général, c'est tout ça, simplement, quand elle est bonne, donc que la musique soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et une autre que, pour les amateurs de reggae que vous connaissez, c'est, elle est en anglais, qui s'appelle C'est Everything is gonna be alright. Voilà. Donc il y a eu Bob Marley qui l'avait repris, mais c'était aussi une phrase de comment il s'appelait lui, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait l'habitude de terminer ses discours par cette phrase-là. Voilà un message d'espoir et donc je me suis dit tiens, nous aussi on va le dire à chaque fois dans l'émission Maverica parce que nous on est optimistes et on espère que le monde plus tard sera meilleur que celui qu'on va laisser aujourd'hui, même si des fois on se demande si on va dans le bon sens. En attendant, nous on continue d'y croire on œuvre de ce côté-là. Si ça va mal dans le monde, c'est pas notre faute à nous. Voilà, tout simplement, parce que nous on fait tout pour rester positif et pour que les gens ils s'entendent bien et que tout passe bien, qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Voilà, on est un petit peu utopiste, mais bon, on restera comme ça, c'est pas grave. C'est mieux comme ça. Très bien. Est-ce qu'il y a un morceau que vous voulez réécouter, qu'on a déjà diffusé, un morceau de Luce, hein, principalement, hein, voilà. C'est l'occasion. Je pense que, justement, si tu peux refaire Stress, vu que c'est dans quelques semaines. D'accord. Que le single va sortir. Single, donc ça c'est un petit rappel. Ça c'est la chanson qu'il va falloir mettre en valeur dans les prochaines émissions. Ouais. Donc alors je me trompe, il est pas en live, mais on va écouter Stress pour annoncer le futur single. Et tu vois qu'on envoie et c'est la version live. C'est une prod d'improvisation. J'avais enchaîné. Donc, à la limite, je laisse le micro ouvert. On sait jamais. On sait jamais si. Et Anton il veut participer au cœur. Fait les cœurs, tout. On participe. Fait les cœurs, pas de souci. Très bien. Donc, on va attendre le single qui va sortir très prochainement. Donc, on pourra le retrouver partout. Voilà. Et en attendant, nous, il est en exclusivité internationale dans l'émission Maverica. Intergalactique, même. On est les premiers. Et puis après, ça va partir dans tous les continents, j'espère en tout cas. Et justement, s'il y a des gens qui ont découvert Luce Tolassi ce soir, grâce à l'émission Maverica, je les encourage à la suivre donc sur Instagram et puis aller la voir en concert, hein, tout simplement. Moi j'ai envie de te dire, hein, au nom de l'équipe, je te remercie de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir. L'émission Maverica, vraiment. Tu es ici chez toi depuis, depuis des années. Et franchement, on espère revenir Il y a avec pas d'autres projets, pas de souci. Donc on se cale une date et puis vous revenez. Il y a pas de souci. Donc là, c'est vrai que le programme il est complet pour les prochaines semaines. J'ai plein de gens qui sont en attente pour d'autres trucs. Oui, tu me diras les dates. Le coup, c'est justement de caler une date. Ouais, et puis, voilà. On attend un petit peu et puis il y a de la place pour tout le monde, hein, pour tous les gens qui ont vraiment un travail à défendre et on est là pour les écouter. Et des fois, on a des professionnels, des semi-professionnels, des fois des amateurs qui font ça dans leur chambre, mais ils le font, ils le partagent avec tellement de cœur que finalement c'est un plaisir de les écouter. Et donc ce soir en tout cas une grande découverte, bravo en tout cas pour les interprétations en direct live et pour les enregistrements aussi qu'on peut retrouver. Donc le contact est pris, vous faites partie de la Maverica Family, vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, on est là pour ça. Voilà, on va se quitter donc avec le morceau qu'il va falloir défendre dans les prochaines semaines. C'est le morceau qui s'appelle Stress. Et on va écouter la version enregistrée. En principe, je laisse ton micro ouvert quand même. Oui, c'est parti. I don't wanna energy. Scars on my arm, that's why you made me do. I know that you love it. My blood keep falling, but I won't heal it. I find you kinda cool. I know I will regret it, but I keep on enjoying this moment. Hide it with a smile, so no one's gonna ask you how are you. And you're leaving by your side, knowing that only yourself can change your mind. The fuck beat you crazy? I know, but that don't scares me. I mean, stress is under my skin. Got to do it so everything can go out. Maintenant j'ai du mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que de l'inspire dans ma tête. Je me réveille et je suis encore loin. La mélodie t'attend plus belle. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress. Que de l'inspire dans ma tête. Je me réveille et je suis encore loin. La mélodie t'attend plus belle. Ce n'est qu'un combat habituel, je vais skier le tremblement. Quand mon tour arrive, le temps gèle, mon regard se fige, des coups de poignard dans le ventre. C'est comme ça que j'ai perdu le game, des paroles dans le vent, je t'écoute pas, je stresse. Mais comme d'habitude, ouais, je garde le sourire, je coupe ta vie palpitante, je te conseille et je te rassure. Mais à ton avis, qui l'a fait pour moi? Donc je rentre, je me pose, je repense à ma journée. Aussi pété que la veille, je manque au stress, j'encaisse tous ces coups de presse. À jouer, je criais tellement fort, pleurais tellement fort, c'est vrai, j'ai pas l'habitude d'en parler, donc je lâche mon corps, je laisse m'envahir, ouais, j'ai plus la force pour continuer. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress, que de l'inspire dans ma tête. Je me réveille et je suis encore loin, la mélodie t'attend plus belle. Maintenant j'allume mon joint, c'est vrai que ça fait passer le stress, que de l'inspire dans ma tête. Je me réveille et je suis encore loin, la mélodie t'attend. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and yeah. Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, mind you up. Always look on the bright side of life. nos Açores. Paulo Rangel tem muitas dúvidas de que a Rússia aceite a pausa de 30 dias na guerra na Ucrânia, mas assinala a determinação do presidente Zelensky na deslocação a Kiev. O Parlamento Alemão chegou a acordo para aumentar a despesa e o euro já valorizou. Há entendimento entre o escritor cabo-verdiano Germano Almeida e o grupo Leia. O escritor diz-nos daqui a pouco o que o deixa feliz com este desfecho. Edição às 9 da noite com Cláudia Almeida. Visita relâmpago de Paulo Rangel a Kiev. O ministro dos Negócios Estrangeiros encontrou-se com Volodymyr Zelensky para demonstrar apoio e solidariedade à Ucrânia. Mas o governante português não escondeu algum ceticismo quanto à proposta de cessar fogo que se discute atualmente. A reportagem é de José Manuel Rosendo. Paulo Rangel chegou a Kiev com algum ceticismo quanto à proposta de cessar fogo. Sinceramente, eu, como digo, estou extremamente cauteloso. Não estou nada seguro que a Federação Russa vá aceitar um cessar-fogo nestes termos, não estou seguro. Depois do encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, Rangel manteve o ceticismo porque diz que conhece os obstáculos colocados por Moscovo, mas encontrou no presidente da Ucrânia muita determinação. Está confiante que há aqui uma grande oportunidade, mas é preciso que todos os atores, a administração americana por um lado, mas também os parceiros europeus, da União Europeia e sem ser da União Europeia, que façam o seu trabalho e também, se eu posso dizer, a sua pressão. Penso que essa foi a mensagem que ele quis deixar. Zelensky recebeu Rangel em simultâneo com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria. Outro encontro foi com o homólogo ucraniano. Depois da homenagem aos mortos na guerra, uma conferência de imprensa em sintonia. Nós estamos aqui para dizer o processo de cessar-fogo está a andar. Mas estes dois princípios, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e nada sobre a Europa sem a Europa, vão ter de continuar. Repetidamente, o presidente Zelensky explicou as coisas inaceitáveis ou as linhas vermelhas, que são nada a respeito da Ucrânia sem a Ucrânia, nada a respeito da Europa sem a Europa. Não há compromissos que dependam da integridade territorial e da soberania da Ucrânia. A Ucrânia nunca vai reconhecer a ocupação ou a ocupação temporária dos seus territórios controlados pela Rússia. Uma conferência de imprensa em que Paulo Rangel disse ser extemporâneo falar do envio de tropas portuguesas para uma eventual força europeia de manutenção de paz.